monstrueuse celle-là. Le but de cette finale. C'est fini, Loulou Nicolas. Montpellier, René Girard, il se coupe magnifique. Premier mot, premier mot. Ils sont champions de France. Regarde. Où la bataille était le match. La bataille était le match, mon voilà. On est les champions, putain! On est les champions! Bonsoir à tous et bienvenue sur Sport & Chill. C'est la saison 3, épisode 19 de cette donc, saison. On est à la moitié, hein, voire un petit peu moins de la moitié, puisqu'on va faire une grosse année cette année. Justement, on espère aller jusqu'au moins la Coupe du Monde. Ouais. On verra bien d'ici là. Aujourd'hui, on va parler donc de Ligue 1 et notamment le match d'hier soir. Encore un beau match du dimanche soir. On va débriefer. Le point, une semaine des JO d'hiver et également tout à l'heure, le début des Six Nations au rugby avec une défaite malheureusement de l'équipe de France, donc du 15 de France, pardon. Au niveau des sports Montpellier-Rhin, c'est un week-end assez léger puisqu'il y a eu beaucoup de trêves internationales et donc le bilan du week-end, c'est 3 victoires, 0 match nul et 1 défaite. Un week-end tout en chill finalement. Oui, voilà, tout à fait. C'est vrai que c'était un week-end très léger. Et le débat, donc, c'était quels sont les problèmes de l'équipe de France de rugby et surtout qui sont les responsables selon vous. On verra ça tout à l'heure. Mais on a également une petite spécificité aujourd'hui, c'est qu'on va appeler Vincent qui est à l'Open Sud de France, qui est à l'Arena, qui sera en direct pour parler un peu tennis puisque c'est l'événement à Montpellier, l'événement sportif à Montpellier ce week-end, c'est l'Open Sud de France. Voilà, au niveau de mes chroniqueurs ce soir, j'ai Guillaume toujours à ma droite, du coup, il a retrouvé sa place. Toujours à droite celui-là. D'ailleurs. Salut tout le monde. Oh là, pas que. J'ai Tim en face de moi, qui le programmateur son aussi de la soirée, salut, hein, comme d'habitude. De la double casquette. Pas de cumul des mandats par contre. Et j'ai un petit nouveau que j'accueille aujourd'hui, qui est notamment spécialiste de rugby, mais de spécialiste d'autres sports évidemment. Exactement. Paul, salut. Bonsoir à tous. Et donc on va commencer tout de suite sur Sport & Chill. Sport and Chill, tous les lundis de 19 à 21h sur Radio Campus Montpellier. On va commencer donc avec le football. J'ai oublié aussi Romain, notre chroniqueur qui va arriver, mais il est en retard. Bon, c'est comme pour son mercato. Comme pour son mercato MPG. Exactement. Mais c'est la pluie à Montpellier, c'est un peu l'apocalypse quand il y a la pluie. L'apocalypse. Comme dans sa défense d'ailleurs. Dans sa défense à MPG, c'était l'apocalypse aussi ce week-end. J'ai mis un petit 3-0 pour le punir. Et jubile celui-là. C'était le match qu'il fallait pas rater celui-là. On a attendu 3 minutes avant de parler de mon petit gazon. C'est déjà pas mal. Bon, on va commencer donc le foot étranger. Et on va pas faire tout le foot étranger sinon on n'aura pas le temps. On va faire un championnat par semaine. Et cette semaine, donc c'est la Liga dont on va parler. Je donne quelques résultats de la Liga. Donc Eibar qui cartonne Séville 5 à 1, pardon. Belle surprise. Levante Real Madrid 2 partout. Espagnol Barcelone contre le Barça, le derby, donc 1 partout. Et Atlético qui gagne 1-0 contre Valence. Au classement, Barcelone a plus 9 sur l'Atlético. L'Atlético a plus 9 sur Valence. Mmh. Valence a plus 1 sur le Real. Et le Real a plus 2 sur Villarreal. Donc ce qui fait que les 3e places entre Valence, Real et Villarreal sont très serrées. Alors que la 2e et la 1ère, c'est une accès. Oui, un gros écart. Et les 3 sont actuellement, donc les 3 clubs, donc Valence, Real et Villarreal, sont en mauvaise posture en ce moment avec des mauvaises séries. Qui montera sur le podium selon vous en fin de saison? Est-ce que le Real va quand même reprendre les choses en main ou très pas sincèrement du tout? Je me disais ça après la victoire importante quand même à Valence, et puis derrière ça arrive pas à enchaîner quoi, donc c'est ce qui m'inquiète. Donc je me commence à me dire, même si j'ai du mal à réaliser que le Real peut ne pas être sur le podium de Liga, je commence à me dire que c'est peut-être possible. Et est-ce que si tu crois qu'il pourrait se relancer avec le 8e contre le PSG si jamais il gagne? C'est-à-dire que leur place dépend de l'issue de ce match. S'ils se relancent un peu contre Paris, je pense qu'il y aura une dynamique qui va s'installer, alors que si c'est l'inverse, ils savent très bien qu'ils peuvent plus rien jouer en Liga, ça peut au contraire les tuer. Je sais pas si c'est lié, mais en tout cas je sais que contre le PSG ils montrent un tout autre visage, parce que pour moi c'est du 50-50. C'est que sur deux matchs. Le Real en Ligue des Champions, il y a toujours cette mentalité qui est au rendez-vous. Après en championnat, honnêtement, j'ai regardé un petit peu celui contre Leganés, il y a des choses qui m'inquiètent, parce que cette défense-là qui était pourtant réputée comme une des meilleures d'Europe quoi, sur la dernière année, j'ai l'impression que là tu prends deux pions contre Leganés quand même. Donc, c'est quand même il y a encore deux contre Levante. Ouais, contre des équipes qui sont pas forcément inquiétante offensivement. Donc c'est quand même inquiétant, quoi. Je vous repose la question, c'est la troisième fois que je la pose cette année, mais est-ce que je repose la même, hein. Est-ce que Zinedine Zidane est sur un siège éjectable maintenant? Bah, moi je maintiens ma réponse, je pense pas. L'année prochaine sera décisive pour moi. Ouais, voilà, disons qu'il a du crédit pour cette année dans la mesure où il est légitime de son passé, des dernières saisons. Il a quand même soulevé deux fois d'affilée avec des champions, chose qu'aucun entraîneur n'avait fait. Il a le droit d'avoir une saison un peu moyenne. Blanche. Et est-ce que c'est la fin pour Benzema au Real Madrid? Non, après, je sais que Benzema a beaucoup de crédit au Real, il est très apprécié. Ouais, mais de moins en moins. Mais après, Zidane l'a à la bonne aussi, je veux dire. Ça, oui, c'est vrai. Zidane l'a à la bonne, je pense qu'on lui laissera du temps, mais après, c'est sûr que... Il n'a pas de concurrence aussi. Hein. Ouais, voilà, on va lui mettre de la concurrence, donc forcément, l'an prochain, s'il continue à être aussi moyen que ça, je pense que le concurrent qui sera arrivé l'été peut lui prendre sa place. Au bout d'un moment, il sera obligé. Surtout qu'il a prolongé jusqu'en 2021. Et ça montre sa légitimité au sein du Real. Non, c'est un rouage important, mais évidemment, s'il y a un concurrent qui arrive pendant le mercato estival et que lui continue à avoir des performances moyennes, il se fera prendre sa place, c'est légitime. En tant que supporter lyonnais, est-ce que ce serait pas la bonne planque de repartir dans son club formateur par la suite? Non, franchement, j'y crois pas une seconde. Il aurait sa place ou pas? Il y a Al Pacino qui vient d'arriver là. C'est vrai, gominé comme Jaja. Petit Romain qui est bien coiffé aujourd'hui. Non, ça serait une énorme régression pour lui. Je le vois pas, entre guillemets, s'abaisser à ça, même si c'est son club formateur. Je le vois pas partir du Real, moi. Il va tout faire pour rester. Ok, très bien. Bon, on va passer sur la Ligue 1. Il y a eu des cartons aussi en Ligue 1, notamment dès le vendredi soir avec l'OM qui met 6-3 à Metz. Décidément, j'arriverai jamais à le dire. Sud, hein. C'est Metz, hein, officiellement, je crois. Hein, non, c'est Metz, apparemment. Non, Metz, c'est à côté de 7, hein, ça n'a rien à voir. Non, j'ai pas ça dit Metz, j'ai dit Metz. Non, apparemment, on dit avec le T Metz. Il y a toujours un débat sur ça. Bon, bref. Bah, en tout cas, ils ont fait une petite remontada à la fin, quand même. Je te laisse parler à la fin de ça. Ouais, donc, laisse-moi après. PSG qui a gagné 3-0 à l'extérieur, donc à Lille. Les Saint-Etienne, enfin ceux qui sont en bas de tableau qui se font un peu peur ont gagné aussi ce week-end. Peu, donc les Saint-Etienne 2-0 contre Amiens à l'extérieur, Toulouse qui gagne 1-0 à Nice, Bordeaux qui gagne 2-0 à Strasbourg. Caen, je ne sais pas s'ils étaient mal classés, mais je suppose qui a gagné 3-2 à domicile contre très Nantes. Bon match aussi, ouais. Et donc le match du dimanche soir, le match d'hier, c'était Monaco qui gagne 3-2 contre Lyon. Avant de parler de Monaco-Lyon, peut-être vous avez parlé d'un autre... Toi, tu voulais parler de Metz, peut-être? Pas spécialement. Marseille continue une bonne série et qui se fait peur un petit peu à la fin. Enfin, se fragilise un peu à la fin, mais bon, ça, c'est pas trop problématique. Je pense que Marseille est bien lancé. Après, j'ai parlé un petit peu de Saint-Etienne, puisque j'ai vu le match. Donc, c'est pas trop mal. Ça commence à prendre forme. Évidemment, l'arrivée de Subotic a fait beaucoup de bien à la défense. Le retour de Perrin aussi qui était blessé, ça a fait beaucoup de bien. Et Debuchy. Et Debuchy qui est arrivé, qui a marqué d'ailleurs, qui a fait un très bon match. Ah, il a pu marquer depuis 2012 apparemment. Là, en tout cas, il a mis un beau but et il a fait un bon match derrière. Non, il y a une équipe qui commence à avoir un peu plus de qualité, des retours de blessés, des arrivées. Donc forcément, ça commence un peu à prendre forme et ça joue un petit peu mieux. Donc ça ira pas chercher l'Europe, c'est sûr. Mais bon, là, ça pourra faire un mieux tableau. Un peu plus tranquille qu'il y a quelques mois déjà. Ok, très bien. On parlait aussi de la remontée de Nice, et puis là, depuis deux matchs, plus rien. Nice sans Balotelli, souvent, c'est un petit peu plus problématique. Pourquoi il est blessé? Parce qu'ils ont eu... Je sais pas si t'es blessé ou suspendu. Mais en tout c'est cas, Le connaissant, ça va être les deux. Ouais, c'est une petite blessure. Hein. Il est en train de clubber à tout moment. Ouais, c'est possible. S'il y avait une grosse soirée samedi sur Nice, c'est possible. Ouais, non, mais Nice qui a du mal à enchaîner quand il n'y a pas Balotelli. Ils ont eu quand même pas mal d'occasions, mais manque d'efficacité. Et puis Toulouse qui a, sur un super but de Gardel, qui a réussi à faire un petit magnifique. Ouais. Okay. Comme celui de Guingamp à Rennes d'ailleurs. Et du coup, on va parler du match du dimanche soir. Je rappelle d'ailleurs ce que j'ai dit la semaine dernière, mais quand il y a le Big Four en Ligue 1, ouais, c'est les seuls matchs qui sont intéressants. Il y a beaucoup de buts, c'est des matchs prolifiques, et puis il y a du beau spectacle. Je sais pas si vous avez vu le match ou pas. Hélas. Ouais. Pas de réaction Si, tu veux démarrer, Timothée? Vas-y, j'enchaînerai. Ok, très bien. Bah écoute. Le baron de l'émission. Hein. Finalement. Quoi? J'avoue, il monopolise le début ça de l'émission. Ça me complète. Tu vas voir. Allez, vas-y. Parce que la semaine dernière, il était pas là, alors là. Oui. Ouais, je me rattrape là. Il essaie de se rattraper. Je reprends mon poste. Mais sur le match de Monaco, je suis assez satisfait parce que ils ont fait, je trouve, un très bon match à Marseille la semaine dernière. Ils ont fait un match très solide et puis efficace. Et puis même avec un but injustement refusé, je trouve qu'ils auraient même pu s'imposer. Mais après, le match nul était équilibré quand même, je pense. Et là, ils ont fait un plutôt bon match. Une première mi-temps un peu brouillonne des deux côtés, je trouve. En deuxième mi-temps, en fait, Lyon n'a pas, pour moi, fait le match qu'il fallait en deuxième mi-temps, alors qu'ils étaient en supériorité numérique. Ils n'ont pas fait l'effort comme j'ai vu faire contre Paris, par exemple, où il y a eu vraiment un supplément d'âme pour aller chercher la victoire. Là, ils ne l'ont pas eu, et puis Monaco a été efficace, a été solide, et au final, c'est pas non plus un hasard qu'ils réussissent à l'emporter dans les dernières minutes, quoi. Non, pas de réaction. Bah écoute, ça me fait mal de le dire, mais je suis assez d'accord. la deuxième période où normalement, sur le papier, logiquement, Lyon aurait dû s'imposer, il n'y a pas d'effort, on a vu un Nabil Fekir totalement absent. Ça fait quelques fois qu'il est un petit peu absent. Ouais, il aurait dû porter l'équipe. Même contre Paris, il fait pas un gros match, hein, à part le coup franc. Il met quand même ce pion d'entrée. Il met le coup franc, mais après, dans le jeu, je le trouve un peu moins bien. C'est peut-être à cause d'un grand Radji hier. Ouais, Radji qui est impressionnant encore. Subasic, moi déjà. Ouais, Subasic. Yeah. Se blesse et prend un but un peu improbable. Mais c'est vrai que Lyon, autant dans le jeu. Mauvaise gestion. Ils ont parfois la capacité à faire du très bon jeu, mais des fois ils sont. C'est exactement comme quand Romain m'avait posé la question. Je t'avais dit que c'était une irrégularité. Et ben voilà, ça s'est encore avéré. Hein. C'est ça. Ils sont relâchés. Ils ont pris. Monaco a pris un rouge. Ils mettent 2-0. Ouais. Et est-ce qu'ils sont pas relâchés? Là, surtout que Jardim a changé de dispositif après. En deuxième mi-temps, il a. Mais intelligemment, pour le coup. Ouais. Jardim a été bon là-dessus. Alors que Genesio est un peu moins sur ce genre de match-là. Là, il a pas senti grand-chose. Ouais. Ils sont un peu éteints après le match de Paris, alors que Monaco et Marseille sont dans une meilleure dynamique là. Ok, désolé. Très bien. Je passe au classement. Le PSG plus 11 sur l'OM qui prend la deuxième place, plus 1 donc sur Monaco, et Monaco plus 2 sur l'Olympique Lyonnais qui perd deux fois de suite, donc qui régresse un peu au classement. Voilà, donc je pense que sur la Ligue 1 on a terminé, on va pas parler plus. On va passer à un sport qui revient cette année. Ah, un sport que tu adores. Le Quidditch. Un sport que tu adores. La trottinette. La boxe. Non, le cyclisme. Ah, c'est quoi ça? C'est pas vraiment le mot. Je parle du cyclisme. J'aurais dû comprendre, je voyais Romain en train de se marrer à côté, j'aurais dû comprendre que c'était le cyclisme. Je parle du cyclisme, pendant ce temps-là, je te laisse préparer la NBA qui passera juste après. Ça marche, alors sur le cyclisme, j'ai pas préparé. Ouais. D'ailleurs, c'est parfait pour introduire Romain qui est spécialiste du cyclisme. Bonsoir Romain, salut. Et bonsoir, ravi de vous retrouver les gars après. Alors, comment ça va après ce week-end, Romain? Après cette journée de dur labeur. Et une première journée de dur labeur depuis bien longtemps avec un collègue que vous connaissez comment bien. Comment va mon Alex? Le bonjour à ton Alex, exactement. Il va bien. Porte bien. Donc comme ta défense d'ailleurs. Pour le cyclisme, il y avait la Cadel Evans Ocean Road Race. C'est un peu long, donc, mais c'est une course du World Tour. Donc, et victoire de James McCarthy, l'Australien, devant Viviani, l'Italien, Viviani. Et Daryl Impey. Pierre Latour, premier français, est 13e. Il y avait donc surtout une course plus importante pour nous français, puisque c'était en France, c'est l'étoile de Bessèges. C'était même dans la région. Ouais. Du coup. C'est même dans la région, oui, exactement. Ça s'est terminé vers Alès d'ailleurs. Et donc c'est au classement général, c'est Tony Gallopin qui s'impose. Voilà. Donc je pense sur le cyclisme, on va être assez court, mais c'est pas des courses très importantes pour l'instant. Non, c'est pas des courses très importantes, c'est vraiment le début de saison. Même après, si, les favoris vont revenir. Ouais, ils vont revenir, mais bon, c'est un peu voilà, c'est l'entrée, c'est le début de la saison, ça se met en place petit à petit. Juste effectivement, ça fait plaisir pour Tony Gallopin qui revient dans une équipe française en plus à G2. Ok. C'est quelle épreuve qui marque vraiment le retour du haut niveau Pour moi, et Vincent le disait la dernière fois à juste titre, c'est Paris-Nice qui est une course d'une semaine et qui est au mois de mars, juste avant les classiques en fait. Donc la saison, le moment vraiment de creux, c'est en gros octobre-janvier. Ils reprennent la saison en janvier, mais effectivement jusqu'à mars, c'est les courses. Ça remonte tranquillement. À noter aussi qu'il y a Froome qui revient à la compétition, qui était contre toute attente. Voilà, ça avec ça, on a fait le seul but à molle. Qui revient à la compétition. Donc ouais, pour l'instant, bon, il est encore toujours sur procédure, mais il va revenir, je sais plus exactement. Il a été autorisé effectivement à participer à la Ruta del Sol. Pour le Giro, le Tour de France, ça serait une autre histoire. Si ça s'enchaîne ou pas. Donc NBA, Guillaume, qu'est-ce qu'il y avait de beau aux États-Unis? De beau, pas mal de choses. Houston qui a fait une bonne semaine, qui a battu assez facilement Cleveland. C'est quand même à noter, 120 à 88. Ouais, d'ailleurs, j'ai vu que Cleveland. C'est même le match de la semaine en fait, Guillaume. Ouais. Donc c'est rare que Cleveland prenne une claque comme ça. Donc c'est encore un nouveau signe assez inquiétant. Donc voilà, après ils ont gagné les Spurs aussi de quand même 11 points d'écart, donc c'est pas si mal aussi. Ouais, faut pas l'oublier. Et Cleveland d'ailleurs qui a enchaîné sur une autre défaite contre Détroit. Et j'avais un petit duel entre outsiders, entre les Timberwolves et les Raptors, et c'est les Raptors qui sont sortis de 5 points d'avance. Okay. Donc voilà, le signe le plus important, ouais, c'est la mauvaise semaine de Cleveland, qui enchaîne déjà beaucoup de défaites et qui s'est pris une bonne tôle, hein. Je crois que c'est dans l'histoire de c'est rare qu'ils prennent des tôles comme ça en plus face à une grosse équipe, ouais, un concurrent direct, donc c'est quand même assez inquiétant pour Cleveland, alors que les Warriors et Houston continuent leur petit bonhomme chemin tranquillement. Et Boston aussi qui a gagné hier contre Boston aussi tranquillement leader, qui ne bouge pas, donc voilà des signes de plus en plus inquiétants pour Cleveland. On attend de voir les playoffs bien évidemment, mais c'est quand même beaucoup de défaites déjà pour une équipe qui prétend au titre, quoi. Effectivement, je pense qu'on peut s'interroger sur Cleveland, qui est une équipe qu'on avait connue bien plus forte sur les dernières saisons. Ouais. Et on le disait au début de la saison, on pensait qu'ils allaient monter petit à petit en gamme. Alors ça peut arriver au moment des playoffs. C'est tardif, quoi. Faut pas encore les enfoncer non plus et les oublier. Mais c'est des signes inquiétants. C'est très tardif, hein, parce que là ils ont déjà beaucoup de défaites. Et puis honnêtement, moi aussi je les voyais monter en puissance à partir de janvier, quoi. Et puis là, ça, on voit. Sauf que là, t'arrives au moment où t'es censé avoir tes marques. Et ouais, là tu commences dans un collectif rodé, ce qui est pas du tout le cas. Hein, pour avoir vu quelques matchs récemment, c'est brouillon. Ça prend pas du tout. C'est brouillon, ça défend beaucoup moins bien déjà, alors que pourtant Cleveland avait c'était une grosse qualité qu'ils avaient aussi. Donc ouais, il y a des signes très inquiétants et pour l'instant je les vois pas bousculer, que ça soit Boston ou après les Warriors. T'as pas dit aussi les Warriors qui ont perdu un troisième match d'affilée, ouais, qui ont fait un petit moment de doute aussi, qui est eux aussi finalement ont quand même déjà un petit peu pas mal perdu. Mais bon, ça reste c'est un moment un peu plus relax peut-être en ce moment, non? Mais ça dépend, les Warriors ils pouvaient se permettre parce qu'ils avaient une sacrée avance et puis bon, ils sont assez tranquilles dans leur conférence, mais Cleveland eux justement auraient dû arrêter, stopper l'hémorragie et commencer vraiment à enclencher et puis trouver quelques repères dans le jeu, ce qui n'est pas le cas, donc ok. Je fais la transition justement avec les États-Unis puisqu'il y avait hier un événement important aux États-Unis. Et c'était le Super Bowl, et donc les Philadelphia Eagles ont remporté leur Super Bowl pour leur première fois donc de leur histoire, dimanche donc à Minneapolis. Ils se sont imposés face aux New England Patriots 41-33 à l'issue du match, un incroyable suspense. Depuis que je regarde le Super Bowl, il y a toujours les Patriots en finale. Il y a Brady qui enchaîne les grosses finales souvent, chaque fois, et puis là malheureusement je sais pas si quelqu'un a vu le match. Moi, c'est pas trop mon J'ai regardé un m'endormant. Celui l'an dernier m'avait beaucoup plu. Je crois qu'il y avait une petite remontée assez impressionnante. Et celui-là, malheureusement, je me suis endormi trop tôt pour voir la fin. Donc, je pourrais pas trop en parler. Il dort à l'heure des grands-mères, celui-là. Généralement, je suis un week-end plaisir, assez chargé. Mes veilles de stage, vous voyez, je suis resté. Studieux. Studieux et sérieux. T'as bien raison. Pour faire bonne impression. De toute façon, je voulais pas forcément parler beaucoup de Super Bowl. On dit souvent que c'est l'événement le plus médiatisé, alors que pas du tout. Ça reste quand même un événement très américanisé. Ouais, voilà. On nous inculque surtout plus qu'autre chose. Comme la culture américaine se propage à travers le monde. Ça va que t'es capitaliste, non? Quoi? Oh, t'es dur. On va passer au sport d'hiver. Donc, biathlon, ski alpin féminin, ski alpin masculin. Romain, je t'en prie. Bon, biathlon, on n'aura pas grand chose à dire parce que. C'est vrai qu'il n'y avait rien, non? Voilà, il n'y avait rien, faut être clair. Avant les JO, mais. Ils n'ont pas peur des mots. Hein. Mais bon, Romain qui a passé son ourson. Effectivement, aussi. Il y a bien longtemps, quand même. Je suis allé plus loin. Il tombe pas au tire-fesse, lui. Hein. Mais voilà, effectivement, le biathlon, on attendra aux JO, mais on aura droit à notre bonne dose. Il y avait les dernières épreuves, par contre, de ski alpin, justement, de préparation. Pour les JO qui ont permis de donner un petit peu la température, surtout chez les féminines, parce que pour le milieu de semaine du coup de la dernière semaine écoulée, il y a eu deux épreuves de slalom, donc épreuves techniques à la fois chez les hommes et chez les femmes, mais qui sont des épreuves très spécifiques qu'ils appellent le slalom parallèle, où en fait c'est vraiment non pas autant mais des skieurs qui concourent l'un contre l'autre avec des éliminations, donc c'est des défis, du coup c'est assez attractif, mais ça reflétera pas du tout ce qui sera de la compétition au JO, mais donc pour en toucher juste deux mots, c'est le Suisse Ramon Zennerhausern qui l'a emporté pour la première fois de sa carrière, devant le Suédois André Mirer et l'Allemand Linus Strasser. Et donc pour donner un exemple, effectivement, que ce soit Marcel Hirscher ou Henrik Kristoffersen ne sont pas allés très très loin dans cette compétition, mais je pense qu'il en sera tout autre chose au JO de Pyeongchang. Chez les filles, donc il y avait exactement la même épreuve, et c'est également une petite surprise, c'est la Norvégienne Nina Haver-Lauseth qui s'est c'est dur, qui s'est imposé ou l'a emporté, devant la Suissesse Wendy Holdener, qui est une spécialiste pour le coup de la discipline, et Petra Vlova, la Slovaque, qui avait gagné déjà deux slaloms devant Mikaela Shiffrin. Sinon, l'épreuve majeure du week-end, c'était la descente chez les femmes, où il y a eu deux descentes à Garmisch en Allemagne, et double victoire pour l'américaine Lynn Sevon, qui marque donc des gros points avant les JO. Les américaines toujours prête juste avant les JO devant Sofia Goggia sur les deux courses, et une fois devant une autrichienne, Cornelia Wetter, et l'autre fois devant Tina Weirater, qui est du Liechtenstein, tout petit pays de ski. Côté française, par contre, c'est vraiment une discipline où on est très très loin, sachant que sur une des descentes, le meilleur résultat, c'est Tiffany Gauthier, 16e, encore c'est un top 20, mais Guillaume, 16e, c'est dur. Tu vas souffrir encore plus sur le deuxième descente. C'est de nouveau Tiffany Gauthier, le meilleur résultat français, mais c'est 30e place. Ouais, ça va. C'est très très loin. Ça fait très loin. Voilà. Tim va nous parler tout à l'heure. Tim nous parlera tout à l'heure, donc on parlera de Chillers, de Lynn Sevon surtout, qui a fait un gros week-end. Qui a fait un gros week-end et effectivement qui se sent prête pour les meilleur des moments. Concernant donc les disciplines plutôt sport d'hiver nordique, je sais que Théo a en touché quelques mots à chaque fois, alors on va l'avoir aujourd'hui, c'est l'occasion. C'est en saut à ski. Il y a eu la victoire du Norvégien. D'ailleurs. Eh bien, très bien, parfait. Du coup, du Norvégien Daniel André Tande dans le concours à Villingen devant l'Allemand Richard Freitag et le Polonais David Kubacki. Et deuxième épreuve de saut à ski dans cette même ville, où c'est un autre Norvégien qui l'a emporté, Forfang, devant donc deux Polonais. Donc les Polonais, il faut le savoir, c'est leur gros truc, le saut à ski. Et notamment Kamil Stor, qui est un des plus grands skieurs de sa génération en saut à ski, qui du coup, ça c'est l'info du week-end pour le saut à ski, récupère donc la place de numéro 1 mondial dans cette discipline. Concernant ensuite les disciplines, on va dire plus acrobatiques, et moi c'est vrai que ça m'a intéressé ce week-end, il y avait les X Games d'Aspen que j'avais oublié de citer, donc qui est un peu l'épreuve aussi spectacle, et cette année avant JO, donc c'est quand même intéressant parce que derrière cette dimension sport-spectacle, il y a la plupart des disciplines qui seront présentes. Une sorte de mise en abyme finalement. Voilà. Effectivement, très bien. Et donc c'est le vice-champion olympique 2014 de Halfpipe, le japonais Hirano, qui a remporté les X Games devant un Australien, Scottie James, et l'Américain Ben Ferguson. Mais il faut noter qu'il y avait l'absence d'une légende du snowboard, Sean White, qui n'était pas présent, cette année au Roger X Games, et qui lui sera bien présent effectivement aux Jeux Olympiques. Qui avait fait gagner un point à Tim, je crois. Sean White. Exact. Un quiz. Très bonne mémoire. Quelle mémoire, cette année. C'est incroyable. À noter par contre que le médaillé d'or des JO de cette discipline, qui n'était pas Sean White, s'est blessé assez fortement et donc risque de rater les JO. Donc ça, c'est bien dommage à quelques jours des JO. Je pense que quand on se prépare pendant si longtemps, c'est dur. C'est comme au début de chaque Coupe du Monde de foot, on voit certains gros joueurs qui ne jouent plus trop, qui ne jouent même plus trop dans les clubs pour se relâcher un peu. Bon là. Ce qui arrive effectivement, j'ai pas parlé aujourd'hui du combiné nordique, mais qui est une discipline où par exemple il y avait une épreuve de Coupe du Monde et sur les 20 premiers, la plupart ne sont pas présentés lors de cette épreuve. Ils se préservent. Pas de prise de risque trop tôt. Par contre, on va juste citer les résultats français concernant donc ces X Games. Il y a Tess Ledeux, à seulement 16 ans, qui est de la station de La Plagne, qui est une fille, Tess, le prénom. Ledeux, c'est le nom de famille. Qui prend la médaille de bronze dimanche soir derrière une Suissesse et une Norvégienne, et donc elle sera en compétition en slopestyle au prochain JO. Et à noter d'ailleurs que c'est la cousine de Kevin Roland. Ah oui, c'est pas la première fois. Qui est aussi un médaillé olympique en ski freestyle et qui sera présent donc chez les hommes dans cette discipline. Grande famille de freeriders finalement. Donc voilà, grosse famille de freeriders. Et puis je terminerai donc la petite rubrique ski. La petite rubrique ski avec une info insolite. On avait parlé, alors je crois que c'était Théo justement, de Ole Einar Bjørndalen qui n'allait pas concourir aux Jeux Olympiques, pas sélectionné tellement le niveau est haut justement en biathlon. Sélection norvégienne. Il va dans un autre pays, c'est ça ? Il va dans un autre pays, en tant qu'entraîneur, il va entraîner l'équipe de Biélorussie de biathlon lors des prochains JO de Pyeongchang. Donc il sera présent dans l'aventure, mais maintenant en ancien avec les conseils pour l'équipe biélorusse. C'est forcément patriotique, le poulet, quoi. Ouais. Ouais, mais bon, on l'a lâché alors qu'il a c'est fait. Ouais, je comprends. Ouais. C'est le meilleur peut-être athlète au niveau des JO d'hiver. Bon, bref. Comme si Benzema allait entraîner l'Algérie, quoi. Eh ben allez. Possible. Hein. Ouais, ouais, la comparaison bof bof hein. Je sais pas. Oh, ça va, elle est jouable. Moyen moyen. On va passer au tennis. On va passer au tennis, on va pas parler tout de suite de l'Open Sud de France, mais il y a Tim qui avait peut-être d'autres résultats tennis sur cette semaine. Principalement des résultats Coupe Davis. Coupe Davis, bah oui, c'est vrai, non, exactement. Oui. Contre les Pays-Bas là. Non, j'ai pas que celui-là, il y en a d'autres. Hein. Tu sais, il y a pas que la France dans le tennis Guillaume. Ah bon ? Toujours ce sentiment un petit peu égocentrique. Ouais, j'aime bien la loose française moi, j'aime bien en parler. Ouais, FFL. Il y avait le résultat français, la France qui a battu les Pays-Bas 3-1 grâce au retour impromptu de Manarino. Impromptu. Ouais, j'aime bien. Le Japon qui a perdu contre l'Italie 3-1 avec Fognini qui a battu Tsujita et Daniel Taro. Et l'Italie qu'on va rencontrer en quart de finale du coup, sur terre. Ouais. C'est le 14 avril, je crois. Un tirage pipé, nous en Coupe Davis chaque fois, c'est incroyable. D'ailleurs, on s'en sort bien. Ça peut être, tu penses pas que ça peut être une opposition intéressante? Bon, après, si, c'est vrai ouais, que Fognini sera meilleur sur terre. Ouais, enfin. Fognini, oui, mais après, le reste, il y a qui en bah deux... Après, nous, on va récupérer Tsonga, Pouille. Ah, ouais. Honnêtement, à part Fognini, c'est. On est pas inquiet, quoi. Ils ont Bolelli, Andreas Seppi, c'est des vieux briscards, mais ça casse pas trop patin canard. À part l'Italie ou même d'autres, il y a qui vraiment d'opposition? Là, bah, t'aurais pu prendre l'Espagne. L'Espagne, ouais. L'Espagne ou la Croatie, c'est un autre niveau pour moi déjà. Ouais, un petit peu au-dessus, ouais, quand même, ouais. Voilà. Il y a Nadal qui joue cette année ? Non, Nadal il la fait pas. Ouais. Et ouais, il fait la passe. Bah, ça, il est blessé là maintenant. Ouais. Ouais, dans tous les cas. Ouais. Voilà. Après, en autre résultat, j'ai l'Espagne qui a battu la Grande-Bretagne 3-1. La grosse affiche c'était Australie-Allemagne, je sais que ça vous intéresse. Non, c'est vrai, il y avait Kyrgios Zverev, c'est pas Il y a Kyrgios qui a pris une tollée. Hein. Mm. Il a perdu 6-2, 7-6, 6-2. Ah ouais. 5 sneak. Toujours aussi régulier celui-là, hein. Il fait plaisir. Ben ouais, il a pas tenu l'opposition. Illisible garçon. Ouais. Ensuite, il y a le Kazakhstan qui a fait qu'une bouchée de la Suisse. Plutôt fatalement, sans Wawrinka, sans Federer, c'est compliqué. C'est plus compliqué, hein. Ça fait plus la même équipe. Ouais. C'est autre chose. Match pas mal aussi, Croatie-Canada. Enfin, pour la jeune génération du Canada, pour ceux qui connaissent un petit peu les chapeaux Lavov et Pospisil. Et ensuite, les États-Unis qui ont battu la Serbie 3-0, sans Djokovic, hein, bien sûr. Et la Belgique qui a battu la Hongrie 3-1. Avec Goffin qui a battu Fuxovitz. Ok. Pas trop de surprise. Tu vois déjà des petits favoris. J'ai les quarts de finale si tu veux. Ouais, les quarts, Il y a le quart Italie-France en Italie à Gênes. Il y a USA-Belgique, pas mal. Pas mal, ouais. Il y en a un qui est moins intéressant, c'est Kazakhstan-Croatie, je vais pas vous le cacher. Ah ouais, moins bien, ouais. Et par contre, le Espagne-Allemagne, pas mal. En position de style, on peut avoir un Ramos contre Zverev ou un carrière de Busta Zverev qui peut être intéressant. Ouais, c'est vrai que l'Espagne, même s'il n'y a pas Nadal, derrière, ça tient la route hein, quand même. C'est dommage. C'est pas trop mal, ouais. Ça peut être. T'aurais pu gagner un point au quiz, oui. Malheureusement. Tim, j'attendais que tu le dises, mais il a dit la réponse pour le prochain lieu du. À Gênes. Ouais, à Gênes, ouais. Trop tard. Ah, j'aurais dû m'abstenir, excuse-moi. Ah, non, mais c'est pour toi. Non, mais ça joue un petit peu. Non, mais c'est mon défaut, je suis un petit peu prolixe. Ça t'enlève un point. Non, mais je vais essayer de voir pendant la pause si je peux avoir une autre question tennis. On verra bien d'ici là. C'est bon pour le tennis, pour la Coupe Davis. Nickel. Il faudra noter quand même que Mladenovic a en finale de Saint-Pétersbourg. Ouais. Bon, la prière et deux en finale. Elle a arrêté l'hémorragie. Ouais, mais finale. Bon, finale voilà. Quand même. Bon, voilà. Il y a la blessure du passé qui est revenue quand ça va. Ouais. Il y a donc les autres sports. Il y avait le championnat d'Europe de futsal encore en Slovénie avec la France qui est malheureusement out de la compétition. Mais qui a pas mérité. Hein. Parce que face à l'Espagne, un match nul. L'Espagne, quand même, une grande favorite de la compétition. 4 partout. Et une défaite, 4 partout. Une défaite 5-3 contre l'Azerbaïdjan. Mais bon, si vous avez vu la composition de l'Azerbaïdjan, c'est très drôle. Oui, il n'y a que de naturalisés. Oui, des Portugais ou Bolignan, des Brésiliens. Exactement. Et sachant que l'Azerbaïdjan a perdu contre l'Espagne, malheureusement, la France passe à la trappe, étant donné que c'est des groupes seulement de 3 clubs, enfin 3 nations. L'Azerbaïdjan, c'est un peu comme le Qatar handball. Oui, c'est exactement pareil. Exactement pareil. Du coup, les quarts de finale, Slovénie-Russie. Portugal-Azerbaïdjan, donc duel portugais, du coup. Ouais. Serbie-Kazakhstan et Ukraine-Espagne, voilà. Pour le futsal, et on va terminer, si je me trompe pas, à moins que vous ayez d'autres trucs avant de passer au rugby. Non. Tu veux parler futsal là ? Non, si t'as pas lancé ta boxe, ni rien. Non, pas de boxe ce week-end. Thanks, buddy. Non. Du coup, on va passer au dernier sport, à savoir le rugby et notamment les autres matchs. On va pas parler de l'équipe de France tout de suite. On va parler surtout dans le débat de l'équipe de France, mais les autres matchs qui a eu lieu, c'était à Cardiff et puis aussi en Italie. En Italie, effectivement. Alors, bah, tiens, je vais commencer par le dimanche. On va parler du match des Italiens pour débuter avec une défaite finalement assez lourde des Italiens face à l'Angleterre. C'était la défaite attendue 46 à 15. Mais ça n'a pas été un match inintéressant. Je sais pas si Paul à côté de moi l'a vu. Est-ce que c'était moi, pas comme d'habitude? J'ai vu 20 minutes. Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vois l'Italie-Angleterre, c'est une Italie qui tient bien les Anglais. Puis à la fin, c'est courageux c'est au début. Ça tient, ça résiste. L'année dernière, avec la stratégie mise en place des rocs fantômes, je sais pas si tu te souviens, ouais, les Italiens menaient à la mi-temps et là encore une fois il y a 17-10 je crois à la mi-temps et puis à la fin ils s'écroulent quoi. Ouais, et puis s'écroule vraiment dans les... Il s'écroule bien en plus. Il s'écroule bien, mais vraiment dans les dernières minutes. Alors qu'en tout cas, ils ont montré des belles intentions de jeu. Moi, j'avais vraiment peur que l'Italie cette année soit encore plus faible que ces dernières saisons. Et surtout qu'il y a 20-10 à un moment donné, je crois. Et l'Italie marque un essai. Début, l'arbitre l'accorde. Et finalement, revient sur sa décision. Et au lieu qu'il y ait 20-17. Il y a un essai tout de suite derrière l'Angleterre et ça finit à 27-10 et à partir de là, ils ont craqué. À partir de là, effectivement, ils ont craqué à 27-10, finissant par encaisser 46 points. C'est 7 essais anglais, donc premier bonus offensif pour l'Angleterre qui, je pense, bon, c'est difficile de se positionner sur cette équipe face à sur un match contre l'Italie, bien sûr, mais risque d'être très très difficile à aller chercher. 7 essais marqués avec... pour moi des joueurs qui sont vraiment de grands talents. J'ai découvert notamment ce numéro 8, Simons, très bon, je pense pas très grand mais mobile, mais tu vois l'équipe d'Angleterre c'est la même depuis 6 ans presque, en tout cas au niveau de la stature. Et t'as des automatismes, ça se trouve. Alors rugby, c'est important. Et rien à dire au niveau européen, c'est les meilleurs de loin. Ça, c'est pénible de le dire, ça me fait mal au cœur de le dire, malheureusement. Mais il faut le dire, quand même. C'est une équipe qu'on a enfoncée à un moment, notamment lors de la dernière Coupe du Monde, chez eux, où ils étaient passés totalement au travers, et qui a su vraiment se reconstruire, et se reconstruire également une identité de jeu. Contrairement à nous, ils se sont remis en question, quoi. Oui, oui, on pourra en reparler effectivement par la suite. Et maintenant, ce qu'ils ont nous proposé, c'est vraiment un beau rugby, à la fois devant où c'est très solide et avec des joueurs mobiles comme ce 8, avec une gestion du jeu au pied, mais ça qui est d'ailleurs une grosse spécificité des Britanniques. On pourra parler ensuite effectivement dans la foulée de l'autre match où on a pu voir aussi des joueurs sachant vraiment gérer le jeu au pied côté gallois. Puis même leur buteur, j'ai oublié le nom, mais ça fait un petit moment qu'il est là, je le trouve vraiment très bon. Pourtant je peux pas l'encadrer. Qui peut l'encadrer en France? Il a la tête du gendre idéal, quoi. C'est vrai. Du petit merdeux aussi. Du petit merdeux aussi, ça dépend de quel point de vue on se place. Je préfère le George Ford que... Ouais, c'est ce que j'allais dire. Alors, George Ford est peut-être plus justement dans le genre idéal, mais et c'est la particularité aussi des Anglais, c'est de jouer avec deux 10. C'est-à-dire que Ford joue 10 et Farrell joue 12, là où normalement Farrell joue 10 en... Pour nous, c'est pas applicable, ça. Et ça pourrait s'imaginer, mais il faudrait déjà qu'on ait deux 10 compétitifs. Ouais, c'est ça. Et pas blessé, quoi. Il y avait Trent Duke à une époque, mais malheureusement... Après, pour Farrell, c'est dur de succéder à Wilkinson quand même. Ouais, c'est dur. Dans le cœur des fans de rugby. Et même en Angleterre d'ailleurs, mais bon, après, s'il arrive à réaliser une grande Coupe du Monde, il rentrera dans le cœur des Anglais, sans doute pas dans le cœur des Français. Il est encore jeune. Et puis, il est encore jeune, et bon, voilà, faut dire que ce joueur maintenant est quand même très très régulier au haut niveau. Et puis, voilà, c'est une équipe qui a des pattes quand on voit les ailiers, Watson notamment, qui a été Homme du match. Et homme du match contre les Italiens. Donc, effectivement, net et sans bavure pour l'Angleterre qui prend la tête du tournoi. Ouais, un gros favori. À noter, c'est bien pour nous que leur neuf Ben Youngs s'est blessé. Ouais. Je crois qu'il y a 5 joueurs qui se sont fait ligament croisé ce week-end. Absent prochain match. D'ores et déjà. Ouais. Mais il est pas à fin de saison. Il me semblait que c'était les croisés. Ah plus. Fait. Ah c'est les croisés. Je suis pas sûr. Pour qui? Moi je sais que. Enfin, j'ai pas vu la nature de la blessure. Bon, il y a Danny Kerr remplaçant. Si tu me dis que c'est ligament croisé, c'est puni. Oui, c'est sûr. Et c'est ce qu'on pensait au moment du match, mais j'avoue, j'ai pas regardé ensuite. Non, moi non plus, j'ai pas fait attention. C'était le verdict. Moi, j'avais une question pour Romain. T'as parlé d'un match où l'arbitrage vidéo a été déjugé ou un truc comme ça là. Ah ouais, non, c'est Paul qui en a parlé effectivement. C'est sur un essai italien. Est-ce que ça arrive souvent ça, que l'arbitre déjuge sa décision sur une vidéo? Ouais, ça arrive assez régulièrement effectivement. Ouais. Je pense que ça peut t'interroger parce que ça a pu arriver aussi au foot, dans des matchs de foot dernièrement. Ça m'intéresse de faire le parallèle. Sauf que la différence, c'est qu'en rugby, c'est plutôt quelque chose de naturel. C'est-à-dire qu'il prend une première décision et il y a beaucoup moins de visibilité. Et s'il voit pas le ballon, qu'il y a un amas de joueurs, il peut pas voir. Alors il prend une première décision. Foot, il peut se tromper. Ouais, c'est beaucoup plus différent, je trouve. Régulier que l'arbitre puisse admettre que c'est beaucoup plus admis surtout. C'est plus admis. Ce qui est critiquable après, c'est que on en parle souvent, c'est qu'on a beaucoup trop recours peut-être à la vidéo maintenant. Ouais, c'est et tu vois l'arbitre de touche qui est à 10 mètres de l'action. qui peut voir en avant, mais ouais, largement, facilement, il prend pas de risque. Il dit bon, ben, regarde la vidéo. Ouais, c'est la clave. Voilà. Ouais. Et ça coupe le jeu. Ouais. En tout cas, tiens, juste pour parler d'arbitre, avant de parler du match des Gallois, notez que bah, dans les deux matchs où on n'avait pas la France qui jouait, il y a eu des arbitres français, sachant que c'était Pascal Gauzère, je crois, qui arbitrait le match des Gallois, et c'était Mathieu Reynal hier. Mathieu Reynal, ouais, c'est ça. Sans pour être pro-français, c'est vrai qu'au rugby, les arbitres français sont plutôt corrects. T'en as trois qui sont confirmés. Poit, qui est notamment Romain Poit, et qui a arbitré en plus les Blacks face aux Lions britanniques cet été. Et c'est quand même une marque de confiance, quoi. Ce serait bien que ce soit le même cas au football, quoi. Qu'ils apprennent, quoi. La bise à Tony. C'est donc terminé pour le poulet. Donc le match Pays de Galles-Écosse, avant d'en arriver un peu plus en détail à la France, on va aller vite sur celui-ci, on a beaucoup parlé de l'Angleterre. Pays de Galles-Écosse, quand même un match pour moi dont le résultat était très surprenant. Parce que l'Écosse est sur une très bonne dynamique, a fait une très bonne tournée, puis même sur les derniers tournois, a montré des choses vraiment intéressantes et a explosé complètement au Pays de Galles, perdant 34-7, vite mené 14-0. D'ailleurs, je pense que ça leur a fait très mal. Ça calme. Et puis il faut noter que les Gallois avaient beaucoup de joueurs blessé, donc moi sur le papier je me suis dit que cette équipe risquait d'être faible. C'est pas Moriarty, pas Faletao, il y avait un paquet d'absents. Un paquet d'absents, leurs deux 10, Priestland, Dan Bigard. C'était le Patchell. C'était Patchell, ouvreur des Clannachlis Cardiff, je crois, qui a joué. Et justement, on peut saluer le travail de Warren Gatland, qui est lui entraîneur, sélectionneur du Pays de Galles depuis bien longtemps, qui leur a permis de remporter d'ailleurs deux fois le Grand Chelem, je crois. Et qui, je pense, va leur faire du bien. Parce qu'il était justement réquisitionné par les Lions et il a pu revenir avec le Pays de Galles. Et je pense qu'il va leur faire du bien. Ouais. Sans doute. Et ils ont, du coup, au vu des blessures, vraiment centré leur choix sur une des franchises qui est les Clannachlis Scarlets, qui est l'équipe d'ailleurs galloise qualifiée en Coupe d'Europe pour les quarts de finale. Et ils ont fait un match remarquable. 4 essais. Ils prennent le bonus offensif contre l'Écosse. Tout le monde ne fera pas forcément. Avec des essais du 9 Gareth Davis, 2 essais de Leigh Halfpenny. À noter la performance d'Halfpenny. Qui a été assez impressionnant, marquant 2 essais et passant les 4 transformations et 2 pénalités un petit essai écossais en fin de match est difficile aujourd'hui de Horn transformé par Finn Russell, mais voilà, l'Écosse était même menée 34-0, donc ça fait très lourd l'addition. C'est une sacrée performance. Est-ce que tu vois plus le Pays de Galles ou l'Irlande bousculer l'Angleterre? Plutôt l'Irlande. Mais on pourra en rediscuter en détail les autres. Sans problème. Concernant effectivement le match qui nous intéressait, et avant d'en arriver donc au débat tout à l'heure, ce France-Irlande, ton avis, Paul, un petit peu sur le scénario. C'est cruel. J'y croyais pas. Christophe, au drop à la fin. On en reparlera, je pense. On en reparlera après le débat, parce que sinon là, c'était prévu pour le débat, justement, le petit débrief. La régie qui va pas forcément arrêter jusqu'à 23h. Juste en quelques mots, effectivement, sur le scénario du match, on en parlera plus longuement ensuite. Donc la victoire irlandaise au Stade de France, 15-13, très cruel avec un drop donc à la dernière, même pas la dernière minute, 83e minute de Jonathan Sexton. La France a été auteur d'un essai, le seul essai du match, de Teddy Thomas, sur une belle inspiration, effectivement, et sur une touche jouée rapidement. Et 4 pénalités de Jonathan Sexton de l'autre côté, un drop. Ça a été vraiment le joueur clutch de ce match qui a permis aux Irlandais de l'emporter chez eux. Sa place au foot, celui-là. Ça fait mal, mais c'est aussi ça l'apprentissage du haut niveau. On a encore du travail. Moi, ils m'ont déçu. Moi, pour une fois que j'ai regardé, ils m'ont déçu. On en parlera tout à l'heure, je vous le répète, pas de soucis. Ils m'ont déçu quand même. On prendra du temps. En plus, Flo qui est habillé tout en vert aujourd'hui, comme un symbole. Écrit Irlande dessus. On va passer à notre première pause musicale. C'est un titre que Tim a choisi. C'est Cheval avec un S. Donc, Cheval, 5ème gauche. Et donc le titre, c'est Mon pote le DJ. Me dites rien. De retour sur Sport and Chill, c'était Cheval et le titre Mon pote le DJ, pardon. On va passer tout de suite au sport montpelliérain. Sport and Chill, le sport montpelliérain. Et on va accueillir, normalement qu'il est au téléphone, on va accueillir Vincent qui est en direct du Sud de France Arena pour l'Open Sud de France. Vincent, salut. Salut, je t'entends très bien, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais... C'est nickel. Pareil pour nous. Nickel, on t'entend. Alors, comment ça se passe l'Open Sud de France? Qu'est-ce qu'il y a actuellement comme match sur le cours central? Écoute, ça se passe très bien. Pour l'instant, il y a un petit Michel Zverev, Benoît Paire. Ouais. Pas mal. La première manche vient de se terminer, Benoît Paire vient de la gagner 6-4, en breakant au dernier jeu. Ouais, et du coup, est-ce que Zverev envoie un peu de jeu ou pas ce soir? Zverev toujours égal à lui-même, tennis très très offensif. Voilà, là il a failli breaker Benoît Paire sur le premier jeu de la deuxième manche. Il a eu une balle de break sauvée par l'Avignonnais, mais voilà, un match assez plaisant pour le moment. Ok, est-ce que tu as les résultats de la semaine, enfin de la semaine, de la journée à nous fournir? Bien sûr, alors aujourd'hui, c'était surtout la fin des qualifications. Donc, oui. Avec les qualifications de l'Allemand Yannick Madden. Donc, il n'y a pas trop de connus. Hein. Ouais. Yannick Madden, donc, qui affrontera demain Gilles Simon. Ouais, donc, d'accord. Voilà, l'Espagnol Carlos Taverner. Le Slovaque Norbert Gombos, qui s'affronteront demain, tous les deux, un match de qualifié. Et le dernier. Kenny de Schaeffer, le français Kenny de Schaeffer. Ouais, habitué à l'Open Sud de France, hein, Kenny de Schaeffer. Le grand Kenny de Schaeffer avec son jeu assez atypique. Il est près de 2 mètres, et il a un service volé de gaucher. Assez plaisant à voir aussi. Ok, d'accord, donc c'était la fin des qualifications et peut-être quelques matchs du premier tour du coup avec Zverev père. Et il y a un match juste après, non, en closing? Ouais, il y a un match juste après, donc c'est Andrei Rublev face à Guillermo Garcia Lopez, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. On a pronostic, Vincent, ou pas? Sur ce match? Comment? Pronostic sur ce match? Sachant que Rublev est quand même sur une bonne dynamique. Ouais, celui de Rublev, ouais, un petit pronostic, oui, si vous voulez. Moi, je pense que Rublev, il peut vraiment faire quelque chose. Ouais, je suis assez d'accord. Alors, pas que sur ce match, mais peut-être sur le tournoi, ça peut être intéressant à voir. Il avait fait un quart de finale de Nadal à l'US Open l'année dernière. Quart envisageable. Voilà, pourquoi pas, et là. Comme il disait Vincent, donc là, il y a Guillaume et Tim qui viennent de revenir. Il y a Père qui a pris le premier set contre Zverev. Bien. 6-4. Donc, bien. Voilà. Et juste une petite question à Vincent, quel serait ton petit coup de cœur de la journée Après, un mec avec qui on parle pas trop. Donc peut-être un petit coup de cœur du tournoi, parce que là, c'est vrai que. Ouais, sur une journée, c'est compliqué à dire. Ouais. Bah écoute, surtout que j'ai à peine d'arriver, donc je suis arrivé il y a une petite heure. Bah écoute, sur le tournoi, pour l'instant, on va voir. Peut-être petit coup de gueule, encore quelques défections, notamment Tomáš Berdych. Qui chaque fois met un petit plan. Voilà, ensuite, coup de cœur, le Hokkaï. Je pense que ça va être... Ça aide quand même, Ça va aider, on l'a pas eu depuis quelques années. Là, il arrive pour la première fois. Alors, non pas que l'arbitrage fut mauvais, mais... Voilà, c'est toujours une bonne aile. Peut-être en touche pour le tournoi aussi, c'est bien. Pour les auditeurs sur le Hokkaï et peut-être l'avantage pour toi que ça pourrait avoir pour un tournoi comme celui-ci, puis pour le tennis en général. J'ai pas entendu c'est Romain, c'est ça? Oui, exactement. Surtout pour les auditeurs, sur l'intérêt du Hokkaï et notamment effectivement dans le cadre du tournoi comme nouveauté. L'intérêt, c'est d'éviter peut-être une erreur d'arbitrage qui pourrait être. Malvenu. Oui. Voilà, malvenu. Évitable, du coup. C'est déjà arrivé. Enfin, moi, je pense notamment à un match, un huitième de finale à Roland-Garros en 2009. C'était Federer face à Tommy Haas. Federer était mené 2-7-0. Et il y a 0-30 sur son service dans la troisième manche. Donc, il risque d'être breaké. Et là, il y a une balle qui arrive et on ne sait pas. C'est toujours pas si la balle est bonne ou pas. Ouais, c'est des fois, surtout qu'à Roland, en plus, des fois, t'as les vieilles traces qui sont là. L'arbitre peut se tromper de trace aussi. Il n'y a plus de Hokkaï à Roland-Garros. Ouais, donc ça, c'est. Sur terre battue, c'est un petit peu moins, gênant parce que t'as toujours un peu la marque. Alors que sur dur. Après, c'est sûr que ça fait aussi une attraction autour du truc. Ça fait venir des joueurs aussi, d'ailleurs. Oui, exactement. Ouais, le standing du tournoi prend, ouais. Voilà, ça fait venir des joueurs et c'est aussi une attraction pour le public qui peut voir ça. Enfin, si vous voyez tous les tournois où il y a les Hokkaï, les gens applaudissent en attendant que la balle arrive. En plus, je viens d'en voir un, donc Flo m'avait demandé et j'en ai vu un, donc c'est cool. Enfin, ils ont vraiment bien modélisé le cours. Donc, c'est vraiment très représentatif. Donc, ils l'ont vraiment bien fait. Puis après, il y a des statistiques aussi grâce au Hokkaï, étant donné que la surface est modélisée. Justement, on a des statistiques sur les coups des joueurs ou quoi que ce soit. Donc, c'est peut-être plus intéressant. C'est plus complet, ouais. Ça serait intéressant parce que le tennis est aussi un sport statistique. Et moi, j'ai pas pu encore les voir parce que j'ai juste vu le début du match avant de me préparer. Mais je pense que oui, on verra ça et ça peut être intéressant. Ouais. Un mot avant de parler de l'affluence, peut-être un truc intéressant à aller voir à l'Open Sud de France, ça serait peut-être il y a un double qui s'est créé entre Dustin Brown et Benoît Paire. C'est drôle parce que j'allais en parler. Bah justement, tu peux en parler. Tu es mentaliste, mon Flo. Peut-être. Écoute, pour ceux qui veulent voir ce double entre deux joueurs atypiques, deux cogneurs, deux joueurs un peu foufou. C'est vrai que c'est un duo improbable. Et très spectaculaire, je pense que ça peut être sympa. Et le match aura lieu demain sur le court numéro 1 à 14h30, donc ils auront leur premier tour. Ouais. Face à Calvin Emery, donc la troisième wildcard du tournoi, et Vincent Millot, le Montpellierin. Ouais, donc ça va être très français, excepté Dustin Brown. On en parlera surtout tout à l'heure de l'agenda pour ça. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, j'allais juste dire que normalement j'y serais, donc je pourrais y assister. Témoigner. Vincent Millot, il était sorti des qualifs en simple ou pas? Je sais pas si. Vincent Millot. Non, il n'est pas sorti des qualifs. Non, comme je l'ai dit, il y a un seul français qui est sorti des qualifs, c'est Kenny de Schaeffer. Ouais, comme d'hab, le Hubert Hauder, quoi. Ok, voilà. Au niveau de l'affluence, est-ce que c'est les lundis des grands soirs ou c'est comme d'habitude? c'est le lundi des comme d'habitude, on va dire. Petit soir, ouais, surtout vu le temps, les gens se motivent moins là. Ouais. Ils sont à l'écoute de la radio. On peut le comprendre un soir comme celui-ci. Et puis, pourtant, comme dit Guillaume, il y a Sport & Chill. Ouais, il y a mieux. Exactement. C'est pour ça, les gens écoutent la radio aussi. L'Open Cup de France avait prévu quand même 50% de plus de billets vendus, donc peut-être ce sera dans la semaine, il y aura beaucoup plus de monde. Ouais, mercredi souvent. Donc voilà, excepté l'agenda de la semaine qu'on fera en fin d'émission, on te rappellera à ce moment-là. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter? Au moment du quiz, on te rappellera. Ça. Il tient le Vincent. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter sur l'Open Sud? Bah écoute, non, pour l'instant, ça va. L'agenda, j'ai pris plein de petites notes. Donc, ah oui, tu m'avais demandé pour savoir s'il y avait des sportifs qui viendraient. Ouais. Et le cours, surtout. Ouais, donc j'ai demandé, apparemment, ça n'a pas l'air d'être trop prévu cette année. Ouais, c'est vrai que demain, il y a quelque chose d'important aussi. Je sais pas si. Et demain, il y a Joe Tsonga qui sera au Polygone pour une séance de dédicace à 18h. Ouais, et moi je rajoute quelque chose. Demain, demain à 11h30, il y a les joueuses du MHSC qui vont venir et qui vont faire un tennis ballon avec Tsonga et Goffin. Donc, rigolo. Ouais. Donc, on sait qu'ils manient bien le ballon, les sur le cours numéro 3, donc sur les cours d'entraînement. Pas gagné pour les filles, ça. Ah, d'accord, bah écoute, ils l'ont pas mis, mais c'est d'accord. C'est surprise en avant-première. C'est vrai que généralement, on voit quelques footballeurs ou les handballeurs viennent souvent aussi à l'Open Sud de France. Ouais. Et oui, mais bon, pour l'instant, ils servent pas, voilà, s'ils viendront ou pas. Surprise. Après, c'est que le premier soir. Donc, ouais. Voilà, puis le lundi. C'est le premier soir, je pense qu'il faut que ça se mette en place. Et, Voilà. Ok. Peut-être que. Ni oui ni non pour l'instant. On encourage tout le monde à aller à l'Open Sud de France. Très bien. Bon, bah Vincent, on va te laisser là, puis on te rappellera tout à l'heure dans le quiz, et puis aussi pour l'agenda de la semaine, à savoir avec l'Open Sud de France, les matchs qui vont arriver cette semaine, pour ceux qui veulent y aller. Voilà. D'accord. Bon, à tout à l'heure, en tout cas. J'ai aussi demandé, alors peut-être que je l'aurai quand vous me rappellerez, j'ai aussi demandé une liste des juges arbitres, des arbitres de chaise. Ouais, voilà, surtout que Mohamed Layani, j'espère qu'on la trouvera. On espère. Bah, apparemment, écoute, pour l'instant, c'est pas lui. Pour l'instant, c'est un Espagnol qui arbitre le match VRF-PER. Voilà, mais peut-être que. Voilà, je l'ai demandé pour savoir s'il y avait Mohamed qui viendrait. Ou, voilà, tant de pied ferme, celui-là. Pourquoi pas, peut-être Bernardès. Un grand nom. Ok, très bien. Bon, allez, je te remercie, Vincent, et puis à tout à l'heure. À tout à l'heure, mon Vincent. On va passer au MHSC, MHSC qui a gagné 2-1 contre Angers donc ce week-end avec des buts de Paul Lannes et un magnifique Mbenza. But collectif déjà de Mbenza et surtout une belle finition. Bon, il a avoué plus tard qu'il voulait nominé au prix Puskás apparemment. Il voulait mettre à la deuxième poteau, mais il a mis au premier. C'est ce que tout le monde pensait et finalement il est plutôt bien terminé. On va aller rapidement sur les MHSC au classement. Je vous avais dit quand même que ce Mbenza il était pas mal. Apparemment Mbenza quand il est titulaire c'est n'importe quoi, par contre quand il entre en jeu c'est une sorte de super tueur. C'est ce que j'ai dit. Au classement, Montpellier est donc 2 points derrière Nantes qui est 5e et égalité avec Nice qui est donc 6e égalité, sachant qu'il y a eu la coupe de la Ligue cette semaine, c'est-à-dire qu'entre Paris et Monaco pour la finale, la place de 5e sera normalement Europa League. Normalement, oui, quasiment sûr. Donc est-ce que Montpellier peut aller chercher cette place ou est-ce que Nice et Nantes sont au-dessus pour vous? Honnêtement, la 5e, ça me paraît un petit peu idyllique pour moi, si, comme on avait dit la semaine dernière. Idyllique à ce point-là. C'est joliment dit, ouais. Ouais, c'est très beau. Elle est pour être celui-là. C'est vrai qu'ils arrivent à maintenir 7-8, ce sera déjà pas mal. Sachant que la 7e peut être qualificative. Je suis en train de réfléchir. La 6 peut-être. Non, ouais, ce serait 4, 5, 6. Hein. Ouais, ça serait 6. 6 ouais, c'est... Pour moi, s'ils peuvent viser une place, c'est la 6e, pas au-delà. C'est jouable la 6e parce que Nice, je pense, devrait prendre la 5e malgré les déconvenues de ce week-end. Je pense quand même qu'ils ont l'effectif. Et puis, il va revenir. Nantes, après, je sais pas. Ouais, ils sont très irréguliers. Ils ont eu une très bonne période. Mais là, je sens que la défense est un peu moins fiable. Donc, ouais, il y a peut-être 3, une place à prendre. Après, Montpellier, ils ont cette faculté aussi à montrer deux visages différents, des fois aussi. Hein. Quand les gros, pendant un moment, ils réussissaient bien les petits, c'était pas terrible. Là, ils commencent à un petit peu gagner les matchs contre les équipes qui sont plus faibles. Mais après, honnêtement, en termes de jeu, pour avoir reçu celui de Monaco, j'étais assez déçu quand même. Autant la défense a été très moyenne, même si c'est Monaco en face. Ouais. Le deuxième but est complètement évitable. Enfin, il y a eu des trucs qui m'ont un peu déçu. Et puis, offensivement, ils sont passés totalement inexistants devant. Ouais, inexistants. Ouais. Ouais, et donc, ça, c'est. Donc, entre Nantes et Montpellier, te dire le 6ème, je saurais pas trop pour l'instant. Okay. En tout cas, tu serais vraiment plus préférable à jouer entre Montpellier et Nantes. Donc, je vois Nice qui a quand même malgré. Bon, c'est bizarre de dire ça après une défaite, mais pour moi, Nice a quand même plus de garantie déjà en termes de. Bien sûr, bien sûr. Ce que je voulais dire par là, c'est que tu vois pas une équipe. Bah, tu vois quand même 6-7 équipes. Ouais, derrière, c'est flou aussi. Donc, ouais, pour l'instant, Montpellier et Nantes sur la 6ème sont plus probables, je pense. Il y a aussi la place de Coupe de France qui est jouable encore pour Montpellier. D'ailleurs, ce sera ce mercredi contre Lyon. Ah bah, c'est aussi, hein. MHSC féminin, justement, on parle de Lyon. Ce soir, il y a match, puisqu'il n'y a pas eu ce week-end, puisque c'est un choc Olympique Lyonnais Montpellier en football féminin. Ça va être compliqué aussi, ça. MHR, donc très international, puisqu'il y a les 6 nations. Prochain match, le 17 février, donc pour les rugbymen, contre Oyonnax. Ouais, donc pareil chez les filles, trêve internationale puisque c'est également la 6 nations chez les féminines. A noter d'ailleurs la victoire de l'équipe de France féminine 24-0 face à l'Irlande, c'était à Ernest Vallon. Ça aurait été bien qu'il fasse ça. Essai de Cyriel Banet, Jessie Trémoulière et doublé de Jade Lepesque. Voilà pour le rugby féminin. Les U20 aussi, je crois, ont gagné d'ailleurs contre l'Irlande. Ah là, je suis pas allé jusqu'à tout le monde gagne sauf les hommes au Stade de France. Quoi. Ils ont gagné, ouais, 34-24. Trêve internationale également pour le handball, toujours, mais retour du MHB vendredi soir en 8ème de finale de Coupe de France à l'extérieur contre Dunkerque. Là aussi, un match assez costaud. Match complet, finalement. Ouais, pour le handball. Grégory Coupré. Non, pas celle-là. Bon, non. Le BLMA qui faisait une série de défaites repris. À la Mladenovic, un peu. S'est repris et s'impose au terme d'un match fou 88-93 après une double prolongation face à Tarbes. Ah, du caractère, la gazelle. Suzy Batkovic, c'est une joueuse, je sais plus de quelle nationalité, je crois qu'elle est américaine, qui revient au BLMA et qui fait son premier match. Et elle est en feu puisqu'elle a marqué 40 points et 16 rebonds. Elle signe la deuxième perf de points de l'histoire du BLMA. Ah oui, c'est un petit retour. Un adjectif stratosphérique. Ouais, voilà. Retour en grande pompe. Ça, c'est de la perf. Au classement, avec 21 points, les gazelles se placent à la 6ème place de LFB. Prochain match, c'est pas tout de suite, ça sera donc le 18 février. Et la réception des 10e, Mondeville, pour la 15e journée de LFB. A noter que l'ancienne basketteuse du BLMA, Edwige Lawson-Wade, je sais pas si vous la connaissez, revient à la maison, puisque en tant que directeur sportive, elle avait laissé d'ailleurs de très bons souvenirs au BLMA. Donc, une bonne nouvelle pour le club de Montpellier. Au volley, 3 jours donc après avoir validé la qualification en quart de finale de Coupe d'Europe, les Montpellierains remettaient déjà donc le bleu de chauffe avec la réception d'une grosse écurie hexagonale, à savoir Tours volley-ball. Malheureusement, défaite 3-7-1 pour une équipe de Montpellier qui méritait tout de même mieux. Jean-Patry, donc encore le meilleur marqueur montpellierain avec 20 points. Ce qui fait que Montpellier est 6ème de Ligue A, prochain match ce vendredi contre Nantes à l'extérieur. En futsal, victoire pour le futsal. Il fallait d'assaut, hein, on n'est plus choix. Et belle victoire, puisque c'est une victoire contre les deuxièmes, Toulon. Une victoire 3-2. Buteur donc Saadawi et doublé de Wadi. Donc Montpellier peut toujours croire au maintien, puisqu'il compte 5 points de retard sur le premier non relégable, à savoir Toulouse. Il reste 8 matchs. Donc 5 points à rattraper sur 8 matchs. Ouais, on peut y croire. Prochain match compliqué tout de même, puisque le MMF se déplacera à Nantes, qui est 5ème. Ils sont plus peur maintenant. Pour le water polo, pas de match, pas de match ce week-end pour le water polo. Il doit y avoir un match de prévu entre Montpellier et Nice. Cependant, Nice, pendant ce temps-là, s'est fait radier administrativement. Oh, c'est dur ça. De water polo. Aïe. De Pro A. Donc pas de match avant le 7 mars, quand ça sera contre Marseille. C'est incroyable ça comme décision quand même. Ouais, radier en pleine saison. Comme ça, d'un coup, Montpellier était pris de court aussi, hein, puisqu'il affronter donc bon, c'est pas plus mal au final, hein. Et à cause financièrement non, administrativement, donc je pense que c'est un coût financier exact. Bon, ouais, les deux doivent être liés. Après, j'ai pas été plus loin sur l'information, mais c'est assez étonnant, ça puisque Nice c'est pas non plus un petit club de water polo. Ma faible connaissance de water polo, je crois que c'est plutôt une des villes historiques du water polo. Donc voilà. Et dernier, donc Vipers, pas de match non plus pour le hockey. Prochain match et dernier match d'ailleurs de saison régulière, c'est ce samedi à domicile contre Chambéry. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Après, pour le hockey, ça arrivera vite, ça sera les playoffs qui arriveront vite. Comme je vous l'ai dit, c'est des playoffs assez longs, on a les retours, mais bon, on y croit pour Montpellier pour qu'ils remontent en deuxième division. Ça serait beau. Considéré comme la D1 du coup, hein. La deuxième division, bon, un peu bizarre, mais ouais, parce qu'il y a la Ligue Magnus en premier, la Ligue Magnus au-dessus, exactement. Donc voilà, je pense que vous n'avez rien à rajouter de plus. Tu as été complet, comme toujours. Je ne sais pas si je suis complet, je sais qu'il y a du roller derby à chaque fois ou quoi que ce soit, mais je peux pas. C'est dur de repasser en revue toutes les... D'ailleurs, tu peux les citer quand même, on les avait eu dans l'émission, je me rappelle, à la belle époque de Kéké, on avait eu les filles. À l'époque, je ne sais pas, mais à l'époque de Kéké, oui. D'ailleurs, on salue Kevin s'il nous écoute ce soir. Une fois de temps en temps, il faut saluer quand même. Tout content d'aller voir Alexandre Ruiz. C'est ce que j'allais dire en conférence. Voilà. Bon, on va passer tout de suite à notre très belle coupe, monsieur. À notre débat, puisque on va être un peu en retard sinon. Et c'est donc le débat de la semaine d'ailleurs, jingle. Sport and chill, le débat de la semaine. Débat de la semaine, c'est sur le 15 de France. On en profite puisque c'était le match donc. Le match ce week-end. Et on va commencer donc avec le match qui a eu donc ce week-end entre l'équipe de France et l'Irlande. Vous pouvez en parler un peu plus en profondeur. Peut-être. On est autorisé maintenant à en parler en profondeur. Je peux ouvrir. On a une grande chance. Je peux ouvrir le débat en tant qu'amateur de rugby qui regarde pas tout le temps les matchs. Spécialiste de rugby comme voilà, comme ça ils réagissent derrière parce que moi je pourrais pas trop approfondir. Non, mais surtout sur le match qu'on va parler au début, puis après on parlera de. Ok. On parlera de. Ben moi, écoutez, je regarde pas souvent le rugby. J'essaie de m'y intéresser le plus possible. Et je sais que la France a une période un petit peu compliquée, on va dire. Donc là, j'ai été intéressé de voir l'évolution, de voir l'entrée en matière des Bleus sur une grosse compète. Et j'avoue avoir été assez déçu parce que souvent sur les gros matchs comme ça de rugby, même si je suis pas un grand fan, je prends quand même du plaisir. Là, j'en ai pas pris quasiment du tout. Je les ai trouvés... en fait, j'ai l'impression que cette équipe... Il n'y a pas vraiment de cohésion, quoi, en fait. C'est un regard peut-être extérieur que j'ai, hein, mais j'ai l'impression qu'elle physiquement, elle est solide, il n'y a pas de problème et tout. Mais je ne vois pas de lien ou de jeu. Alors, bien sûr, si vous voulez, la référence, ça reste les Blacks, ou même à une époque, l'Angleterre ou l'Australie, où il y avait un gros collectif et tout. Et je trouve que cette équipe de France, elle dégage pas grand-chose, quoi. Brouillonne, donc, c'est, quoi, finalement. Ouais, très brouillonne. Donc, voilà, moi, en tant que... petit amateur, je trouve que l'équipe de France montre un visage assez inquiétant. Ok, avant de laisser passer la parole aux autres, on va accueillir Théo qui est là avec nous et qui est en direct là du ski cette fois-ci. Ah, dis donc, on est live. Bonsoir Théo. Ouais. T'es à Pyeongchang déjà? Salut à tous. D'accord, salut. Salut les gars, salut à tous. Ouais, je suis en pleine préparation là des JO Olympiques. Il serait temps. Hein. Je m'entraîne. Je savais que t'étais un grand biathlète. Je te laisse un petit aparté très rapidement. Tu me disais là sur Facebook, gros conflit entre la Ligue 2 et la Fédé en waterpolo. C'est peut-être à cause de ça que Nice a été radié. Ouais, c'est ça en fait. La Ligue a été nouvellement créée. Sauf qu'il n'avait jamais fait de convention avec la Fédération. Et quand le nouveau président de la Fédération Française de Waterpolo est arrivé, il a dit mais c'est pas normal, il n'y a pas de convention. Donc il a demandé à la Ligue de faire une convention. Et Nice a refusé notamment. C'est pour ça qu'ils ont été radiés. Ah d'accord, c'est fou, ouais. Incroyable, c'est totalement hallucinant. Bon, bah sur le voilà, comme ça on a le c'est fameux clair, histoire. C'est clair, quoi. C'est clair. Et je te laisse Paul ou Romain réagir après, sur ce que Guillaume avait dit. Je sais pas dit. Si j'étais dur, si je manque de patience, parce que c'est peut-être un nouveau cycle aussi, peut-être. Bien sûr, mais j'avoue que sur un gros match où je les attendais, j'avais envie de voir ça, j'étais quand même très déçu. Bah, après, effectivement, ce sera intéressant aussi d'avoir l'avis de Théo, parce que je pense qu'on va pouvoir confronter à la fois nos points de vue et puis la vision du match, parce qu'il y a des choses aussi que l'un comme l'autre on peut relever et qui peuvent être parfois même complémentaires. Mais voilà, concernant le match, donc c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire que l'équipe de France a marqué le seul essai de ce match. Cependant, c'est quand même un essai. Moi, j'étais super content de voir cet essai où il y a eu un moment justement où on a pris une initiative et ça a été un peu un moment de folie de ce match. Pour autant, ça reste que c'est trop pas non plus un essai construit sur comment dire sur un jeu de un jeu de trois quarts, un jeu de mouvement, un jeu de main entre plusieurs joueurs. C'est une superbe inspiration entre notamment deux joueurs. Je crois que c'est Belot qui joue vite pour Dupont et Dupont revient à l'intérieur pour Teddy Thomas. Et Teddy Thomas ensuite qui a les cannes et qui fait vraiment une percée incroyable depuis quasi les 50 pour aller marquer ce bel essai. À côté de ça, effectivement, on a montré. Alors quand tu dis que cette équipe manque de cohésion. C'est pas le terme. Ouais, je suis pas sûr que ce soit le terme parce qu'effectivement, quand on voit notamment la solidarité défensive. Marque collective, peut-être. Voilà, elle a été très forte. J'aurais dû préciser peut-être que c'était dans le jeu de passe, peut-être. j'ai pas vu vraiment d'échange. C'est ce que j'ai compris ensuite d'ailleurs, de ce que tu disais, mais juste du coup je voulais rectifier sur ce point-là au cas où ce soit mal interprété, c'est qu'effectivement l'équipe de France a été plutôt très bonne sur les fondamentaux en défense, c'est 94% de plaquage réussi je crois, donc c'est une belle performance qu'ils n'avaient pas réalisée depuis longtemps. Après effectivement dans les intentions de jeu, mais il fallait peut-être pas espérer des miracles et aussi en aussi peu de temps, voilà, on n'a pas encore vu grand chose, moi j'ai trouvé quand même, et effectivement de ce côté-là sur les automatismes, que ce soit devant ou derrière, il en manque et il y a eu beaucoup d'indiscipline sur ce match. Je trouve qu'on fait beaucoup la fine bouche là. Brunel a repris l'équipe il y a 2 mois. Bon alors oui, on s'attend pas forcément à ce qu'il y ait un jeu de passe incroyable, mais bon, sous Noves, on n'avait pas un meilleur jeu de passe malgré le fait qu'il soit là depuis 2 ans. On a retrouvé une équipe de France avec de l'abnégation, avec du courage. C'est ça qu'on cherchait quoi. C'était avant tout d'être bon sur les fondamentaux, comme tu as dit Romain, et en défense, on a sorti les barbelés. Ils n'ont pas marqué un essai. Pourtant, le jeu irlandais est un jeu plutôt léché, plutôt rodé. On sait que voilà, ils vont souvent au bout quoi. Et honnêtement, là-dessus, on a été très très bon. On a retrouvé une équipe quoi. Et on a retrouvé une équipe avec une âme. Et c'est ça qu'on avait perdu pendant ces 2 ans avec Noves. Après, t'as bien dit là-dessus. Parce que dire qu'on a été très très bon, j'irai pas jusque-là. On a été très bon là-dessus. On va laisser finir Paul sur le match, puis après j'aimerais bien qu'on passe au débat surtout, puisqu'on a beaucoup à dire là-dessus. Peut-être sur le match, dernière réaction. Non, c'était pas forcément un problème de cohésion, mais il faut aussi. Donc un problème d'automatisme, parce qu'il faut rappeler que ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu une équipe de France, la même équipe en tout cas, alignée à chaque fois. Avec on a un nombre de blessés incalculable. Ouais, ça j'ai vu. Comme tu l'as dit aussi, cet automne, on s'est ennuyé et on a vu des joueurs qui n'avaient pas envie sur le terrain. Alors là, en défense, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas régalé comme ça à mettre des timbres aux joueurs. J'ai vu qu'ils étaient solides. Et jamais, alors contre le Japon, on a souffert. Là, jamais on a été inquiété, jamais ils sont venus sur le 5 mètres. On s'est dit, punaise, ils vont marquer, Bon, nous non plus. Au moins, défensivement, on a été agressif et c'est je pense la base. Et c'est ce genre de match où ça se joue un peu et malheureusement, ils ont un très grand joueur en face. Voilà, le facteur qui fait la belle Jonathan Sexton. C'est pas une défaillance. Comment ça se fait que tu prends quand même pas mal de points sans avoir encaissé d'essai? Il y a une défaillance où alors? En défense quand même, mais si tu prends des pénalités juste pour faire très très rapide pour passer ensuite au cœur du débat. Parce que deux fois qu'il relance un Guillaume là, il va se prendre un carton. Il s'intéresse, il finit en prison. Hein. On peut pas le blâmer non plus. Ça m'éclaircit un peu. Puis ça permet de faire peut-être la transition sur la suite. Il y a eu beaucoup d'indiscipline, donc individuelle plus que collective, et donc on prend des pénalités qui sont dommageables. C'est comme ça que tu peux te retrouver à perdre un match. Il y a quand même 4 pénalités marquées par Jonathan Sexton. Et puis ensuite, tu restes à portée de fusil. Il y a une pénalité manquée en fin de match d'Anthony Belot. Bon, Sexton en avait raté une aussi juste avant, quand même, faut le dire. Tu as plus que ton nom d'ailleurs du match. Voilà, après, c'est sûr que lorsque tu es si proche de la victoire, ça fait très mal de le perdre. Mais après, effectivement, c'est sans cette inspiration, mais elle était là, de Teddy Thomas, on était aussi peut-être loin encore de l'emporter. Mais ça reste une belle performance de ce côté-là. Moins de c'est quand même effectivement défensif et ça, positif après, et optimiste mais encore on essaye d'être positif après par contre effectivement on peut faire la transition sur l'équipe de France en elle-même, je voudrais le dire. Enchaîne, Flo. Parce que on a parlé de blessures. Moi je pense qu'aussi justement la défense, c'est pas que Guillaume le disait effectivement sur le Café du Commerce, positif pour l'équipe de France. C'est bien qu'on ait une très forte défense, mais aussi peut-être que si on ne fait que défendre, on va toujours forcément se retrouver avec beaucoup de blessés. On subit beaucoup. On va pas parler du jeu en soi et on va passer à notre débat, sinon on va jamais y arriver. D'ailleurs, c'est quoi le débat déjà? D'ailleurs on aura plus que 10 minutes de débat du coup étant donné qu'on va faire ça, les gars. C'est intéressant. Les gars, vous débattez 10 minutes sur un match. Donc bon, voilà. On pourrait débattre plein d'heures. Il y a beaucoup à dire. Alors, qui est responsable de ces échecs de l'équipe de France? On est tous d'accord pour dire qu'il y a des échecs actuellement. Est-ce que c'est les clubs qui manquent de formation, qui offrent pas assez de joueurs? Est-ce que ça peut être les joueurs qui ont pas d'envie en équipe de France? Est-ce que c'est des entraîneurs qui sont pas au niveau? Est-ce que c'est une ligue qui se remet jamais en question? Est-ce que c'est de la fédération qui joue encore sur son copinage ou quoi que ce soit? On va commencer par les joueurs tout simplement, peut-être parce que c'est eux qui ont peut-être le moins de le moins de, d'intérêt là-dedans. Je veux dire, c'est peut-être les moins responsables peut-être là-dedans pour vous. À voir. Mais ça, du coup, enfin, comme Guy, j'ai un regard un petit peu extérieur parce que je suis pas non plus spécialiste en rugby. Du coup, j'attends de voir ce que vous allez réagir. Je comprends pas trop qu'on puisse. Enfin, je le comprends, mais je trouve ça quand même problématique qu'on puisse pointer du doigt l'envie des joueurs en équipe de France. C'est-à-dire que si on pointe du doigt l'envie, le problème. Ça veut dire qu'il y a une responsabilité qui est partagée. Ça veut dire que s'ils ont pas envie en équipe de France et qu'il y a un problème qui émane de plus haut, de hiérarchiquement plus haut, de la ligue, ça veut dire que le système est mal fait, qui conteste un peu, qui conteste quelque chose par cette envie-là. Parce que si tu vois le match contre le Japon, c'est la faute des joueurs en premier. Mais en plus, ouais, je suis d'accord sur le manque d'envie, mais je pense qu'il y a ces problématiques qu'on puisse en venir là, quoi. Donc, Bien sûr. Faut se mettre en question. C'est inquiétant. On reste sur les joueurs. Théo, vas-y. Ouais, je crois qu'on a aussi un problème de génération, en fait. Depuis 2011, en fait, il y a un problème de fédé, d'entraîneur, mais il y a aussi un problème de joueurs. On a un trou de génération, faut le dire. On n'a pas les joueurs qui ont peut-être la technique pour balancer le jeu comme voulait le faire Neves avec son fameux plan de jeu. Voilà, du coup, c'est un peu... Est-ce que c'est un peu à cause des clubs pour toi qui lancent pas ces joueurs de un manque de qualité? Oui, il y a ce problème au niveau des clubs où oui, il y a un problème où ils lancent pas assez de jeunes joueurs. Il y a des clubs qui jouent le jeu. On pense à Clermont, à 4, à Bordeaux-Bègles, qui vont envoyer des jeunes joueurs. À Toulouse aussi. On découvre des Jalibert, des Ituria, etc. Des Prisos même pour La Rochelle. Et il y en a d'autres qui ne le jouent pas du tout. Je pense à Montpellier, je pense à Toulon, je pense au Racing, où là, on va plus s'appuyer sur des stars internationales. Et les jeunes joueurs du centre de formation, on peut y avoir un très bon centre de formation, et ben, ils vont avoir plus de mal à éclore. Ouais, sur les scènes côté. Après, pour revenir sur les joueurs, je pense qu'il y avait eu un problème de, il y a eu un problème de génération, il y a eu un trou en fait. Depuis 2011, il y a un trou, clairement, voilà. Après, sur ce qu'on voit et sur ce que je vois, ce que veut faire Brunel, c'est ambitieux et moi je trouve ça très ambitieux de lancer Dupont, Bello, Ituria, Tolène, etc. De les mettre titulaires, c'est des jeunes, des joueurs qui sont déjà titulaires en club pour la plupart. Donc, on peut s'appuyer sur ça et un peu balayons le passé et appuyons-nous sur ces jeunes joueurs, même s'ils ont peu d'expérience et peu de. Et donc juste une question, c'est, pour toi, ça, c'est la patte Brunel. Le fait de lancer des jeunes joueurs, on déjà, le faisait pas avant. Il l'a fait partout où il est passé. Il l'a fait à Perpignan, il l'a fait à Bordeaux-Bègles, et sur la première composition d'équipe, il le fait. Lancer Jalibert. Un peu à l'image de Noves avec sa nouvelle charnière aussi, non? Ouais, mais Noves, il est... Ouais, on c'était va... du bon ouais, vélo. Hein. Peut-être. Mais pour l'instant, moi, je vois qu'il lance des jeunes joueurs. Moi, tout ce que je lui demande, c'est de la stabilité. Ça fait 4 ans qu'on a une équipe qui change de joueurs. Je ne sais plus combien de Noves avait testé de joueurs. Je crois que c'est plus de 70. Non. Quand tu regardes l'équipe du Pays de Galles, quand tu regardes l'équipe d'Irlande, certes, ils n'ont pas un vivier de joueurs impressionnant. Et une ossature. Mais les mecs, ils ont une ossature, ils ont une colonne vertébrale. Et ben, à ce moment-là, tu parles pas de. Brunel, lui, parle de la politique de l'homme en forme. Tu prends celui qui est le meilleur en ce moment en club. Et peu de clubs, peu de pays, enfin, l'Angleterre, l'Irlande, etc., beaucoup de ces joueurs cadres jouent beaucoup moins en championnat qu'en top 14. Ou en top 14, les joueurs sont surutilisés. Oui, Dupont, s'il se pète, c'est pas par hasard. Il enchaîne depuis le début de la saison. Bon, après, ça, c'est un autre sujet parce que tous les joueurs français se pètent. On a plein de blessés. C'est un problème de gestion du championnat ou c'est physiquement ou les médecins qui sont. Il y a Guillaume qui disait d'ailleurs sur le Café du Commerce, le groupe, que. Enfin, je pense qu'il disait, il disait ça. C'est il y a peut-être y a trop de matchs, une ligue un petit peu trop grosse. À cause du droit notamment, il disait. Après, ça revient à. Tu parlais des jeunes lancés par les clubs et que malheureusement il y a beaucoup de plus en plus de stars internationales qui arrivent sur en top 14 et malheureusement Montpellier en est le parfait exemple avec Altrad qui arrive à la présidence et qui a un objectif, c'est de gagner. Voilà, lui c'est ramener des titres, même si ces derniers temps il se rend un peu compte que il faut aussi avoir des jeunes français, mais c'est que trop récent et malheureusement c'est un peu trop vrai de manière générale parce que là il y a encore Marty, le président de Bordeaux, qui a recruté Radradra et Tamani Valou, deux Fidjiens, deux mercenaires. Ah mais c'est ça, voilà. Et du coup donc c'est là que le top 14 pose problème et que soi-disant Laporte a été élu pour ça, c'est pour justement ramener une formation française, recréer une formation française, et on le voit, n'empêche assez rapidement. On voit l'équipe de France moins de 20 qui est assez séduisante. Je sais pas si vous avez vu le match contre l'Irlande vendredi soir, mais moi je me suis régalé. Est-ce que tu as pas l'impression justement du coup que l'équipe de France serait presque bridée dans son jeu par rapport à ce que, aux intentions de jeu que tu vois dans une équipe comme les U20? Moi je pense qu'il y a des joueurs qui, ont capables, qui sont capables d'avoir cette qualité, même les joueurs presque bridés dans leur jeu. Alors je pense que Brunel a dit les gars, aujourd'hui le but c'est de gagner en défense, on met les barbelés. On a 30% de possession, c'est que dalle. On a 3 fois plus de plaquages qu'eux, on en a 220, eux ils en ont 80. Enfin, c'est des statistiques qui sont ahurissantes. On n'a pas enchaîné, je crois, 3 temps de jeu. Les sorties de balles étaient lentes. Et ça, pour moi, c'est pas la patte Brunel. C'est juste que les mecs, à un moment donné, faut. Alors, ce que je disais tout à l'heure, qu'ils avaient défensivement, c'était bon. Mais alors, offensivement, on n'a rien montré. C'est ce que. Ils ont eu un lancement de jeu à la 65e. Ça fait 4 ans qu'on montre rien. C'est l'impression que j'ai eu. Ouais. Alors, moi, je trouve que Noves, au tout début, où Noves est arrivé, on commence à avoir du jeu. Alors, est-ce que derrière il a pas eu des bâtons dans les roues en disant c'est parfait pour une transition? Est-ce que c'est aussi les entraîneurs, les sélectionneurs, les fautifs là-dedans? Mais sur les entraîneurs, c'est Saint-André le turning point, quoi. Ah ouais, ça c'est sûr. C'est là où on fait autour de la destination, on fait pas mieux que quatrième quand même. Enfin, c'est hallucinant. On fait quatrième, on a même une cuillère de bois en 2013, on finit sixième. Ouais, c'est là. Son bilan, c'est 20 victoires, 2 nuls, 23 défaites. On a 7 défaites à domicile et seulement 4 victoires à l'extérieur. Bon, deux fois contre l'Écosse, une fois contre l'Italie, une fois contre l'Argentine. Malheureusement, Noves est difficilement défendable aussi sur leur Noves, ratio. Et Noves, c'est pas défendable non plus. Mais je pense que Noves a été... Malgré l'amour que lui porte Romain. Ouais. C'est ça, mais surtout que Noves, à Toulouse, il prenait un jeu de mouvement, prenait avec, sur la vitesse, etc. Et en équipe de France, il y avait rien. Il n'y avait rien. Pourtant, donc, c'est réputé comme un des meilleurs entraîneurs. Mais c'est pour ça qu'à se demander s'il n'y a pas une autorité supérieure qui... Ouais, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois. Le problème, c'est qu'on parle de stabilité depuis tout à l'heure et peut-être on ne l'a pas laissé assez de temps, peut-être. Parce que deux ans, ça me paraît quand même léger pour un sélectionneur. C'est pas beaucoup. C'est même un coup de match, au final. Non, mais ça, c'est la porte. Ouais, mais 21 matchs, 13 défaites. Ouais, mais 3% de victoire. Mais je veux dire dans ces défaites, quoi que ce soit, il y en a qu'une qui je crois qu'il fasse à l'Argentine, mais après c'est que des gros, quoi. Je veux dire, c'est les tournées d'été. Bon, après on se prend quelques tôles, mais tu perds contre l'Écosse, mais je veux dire on gagne pas depuis mars, quoi. Enfin, c'est Niveau des statistiques, mais malheureusement ça se fait pas tous les statistiques, ouais. Mais même au niveau du jeu, quoi, si on enlève les stats, si vous voulez, on parle plus de chiffres, mais au niveau du jeu, on a, enfin, ouais, y a pas de repères non plus. J'espère qu'on va gagner. Sur le dernier match contre le Japon, mais c'est à pleurer, quoi. Sur le jeu, sans doute, effectivement, mais on peut dire beaucoup de choses des statistiques. Je pense que quand même 2 ans, c'est très peu. Alors je comprends aussi l'idée de dire on peut pas accepter ça à la Coupe du Monde, on peut pas arriver ridicule, il faut qu'on trouve une solution, un changement, mais ça reste la méthode Laporte. Après, chacun pense ce qu'il veut de cela. Dans tous les cas, il s'entendait pas avec Noves, donc effectivement peut-être que ça allait pas apporter à grand chose. Peut-être qu'effectivement Guy Noves a pas été entraîneur sélectionneur de l'équipe de France à l'époque où il aurait dû l'être, et que ni lui a su prendre la place, ni on a bien su lui proposer. C'était un homme de l'ancien président, ça permet de terminer, surtout qu'on n'aura pas beaucoup de temps. Peut-être un entraîneur, mais pas un sélectionneur. Sur les histoires de fédération en ligue. Entraîneur ou sélectionneur, peut-être, c'est possible, mais c'est compliqué à dire. Effectivement, il est habitué à s'appuyer sur un centre de formation, etc., ce qui était inhérent au club. Et à l'époque, Stade Toulousain, ça c'est possible. Mais dans tous les cas, souvent, il y a quand même un duo qui peut fonctionner, je pense, sélectionneur, et c'est ce que j'espère avec Jacques Brunel, sélectionneur, président de Fédé, qui avait sans doute à une époque avec Camus, pourtant qui avait bon nombre de défauts, et notamment de copinage à la Fédé, avec Guy Noves, et ce mariage n'a pas pu se faire au moment où il aurait pu être productif pour l'équipe de France, à la place sans doute d'un Philippe Saint-André qui a ruiné cette équipe. Après, on a cru au miracle avec Guy Noves, qui n'allait pas arriver ainsi, c'était quasiment couru d'avance, et j'ai bien peur qu'on croit au miracle aussi avec Jacques Brunel. Il faut peut-être accepter qu'on est maintenant un cran au-dessous dans la hiérarchie du rugby mondial, qu'il faut qu'on se reconstruise, et que ça mettra sans doute du temps. Il faut avoir de la patience surtout. Après, par contre, effectivement, le problème, au-delà de tout ce que l'on cite, il est sans doute plus haut sur les orientations qu'on donne au rugby français. Il y a des grosses attentes qui sont mises qui sont mises sans doute sur Bernard Laporte. Parfait pour la transition. Moi-même, à Sport & Shield, j'avais un certain engouement lors de l'élection de Bernard Laporte. C'est pas que j'ai plus du tout cet engouement, mais en tout cas maintenant j'ai des réserves certaines sur sa présidence et sur les résultats à terme qu'on pourra avoir à la suite de son mandat. Et voilà, il y a toujours autant de problèmes entre la Fédé et la Ligue. On a l'impression que finalement la Ligue est en train de reprendre un petit peu le dessus, en tout cas moi c'est mon impression par les clubs. Et on peut pas non plus blâmer les clubs de vouloir gagner des titres et privilégier leur cause, mais en tout cas nous il faut pouvoir faire promouvoir l'intérêt du rugby français au niveau international pour le 15 de France. Et ouais, on a de quoi avoir des inquiétudes de ce côté là. Il faut se demander aussi si aujourd'hui le rugby a changé. Mais on regarde la liste, je le redis mais j'insiste là-dessus, la liste des blessés qu'il y a. On a annoncé le retour de Parra, Fofana, Penaud, Dulin, j'en passe encore. Mais on a un nombre de blessés, donc est-ce que... Ouais, mais les autres équipes aussi, on peut pas se cacher. Ouais, c'est vrai. Non, on a quand même plus. Mais sauf que, hormis Pays de Galles, à un moment donné, le staff médical, on a eu la préparation soi-disant spéciale pour les internationaux à la mi-saison, pendant les vacances, et on regarde les joueurs qui faisaient justement cette préparation, ont mis du temps avant d'être au niveau au top 14. Baptiste Serin était cramé, Picamol à Montpellier était pas inexistant, mais a eu du mal à retrouver son niveau aussi, Gourdon pareil, la Croix pareil, enfin bref, il y a un paquet qui en tout cas ont été touchés par cette politique là. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème? D'où ça vient ça? C'est ça, le staff médical, le championnat. Est-ce que c'est le médical qui déconne? Le championnat est très physique, je sais pas ce que t'en penses Théo, et use beaucoup les joueurs. Ouais. Non mais ce que disait Guillaume sur le Facebook, c'est vrai, il faut qu'on retourne un championnat à un top 12 déjà, on réduit les matchs, on arrête cette histoire de doublons. Et il faut que les instances, la fédération et la ligue, se mettent autour de la table. Mais si elles veulent pas le faire, il faut que ça soit une instance presque supérieure qui le fasse, que le CNESF doit intervenir là-dessus, parce que on est sur une pente qui est glissante, quoi. On est 10e nation mondiale, on est dans la pire période qu'a jamais connue le 15 de France. Voilà, il faut une réaction de toutes les instances. Ouais. Et si la ligue ou si la fédération ne tape pas du poing sur la table, toutes les deux ensemble. On court à la Le problème, c'est que avant... on va se retrouver avec un top 14 qui serait une sorte de première ligue du championnat anglais et un 15 de France qui sera totalement abandonné. Tu peux dire on se retrouve et pas on va se retrouver. Avant de trouver un compromis entre chaque fédération, chaque ligue, chaque acteur qui vont se retrouver. Il faut faire une sorte d'assise du rugby. Il faut que chacun fasse des concessions surtout. On est quand même le seul pays à connaître ce problème-là. L'Angleterre c'est pas le cas, l'Irlande c'est pas le cas, le Pays de Galles c'est pas le cas, l'Écosse qui est en train de monter aussi. C'est la professionnalisation au niveau de la fédération, ça met du temps à arriver, quoi. Je trouve qu'on a une fédération qui est très très peu professionnelle quand on voit le... Est-ce que c'est pas le problème de la Ligue aussi, parce que Paul Gosse n'est pas très professionnel quand même, pour sa part. Ouais, non mais les deux, les deux côtés, il y a un amateurisme au niveau de la Ligue avec Paul Gosse et il y a un amateurisme au niveau de la fédération. Sous l'ère Camus, c'était comme tu disais Romain, c'est l'ère des copinages, et sous l'ère Laporte, c'est pas beaucoup mieux parce que on a cette affaire Altrad, personne ne peut travailler sereinement, et finalement on se demande un peu qui est le capitaine du bateau. Parce qu'il est très peu professionnel et pourtant très business. C'est ça qui est assez paradoxal. Ce que semblait dire Guillaume sur la page, l'argent, je pense que c'est lui qui est. On ne cesse de citer cet homme. Je pense que les moyens, on les a en France. Le communisme. Les moyens, on voit même dans le rugby à 7, on a des moyens impressionnants pour pouvoir développer le rugby à 7, on n'arrive pas à percer dans le rugby à 7 justement, alors qu'on a des moyens fait exprès, des joueurs de qualité, mais je sais pas, on n'arrive pas à trouver autant à 7 qu'à 15 la bonne recette. J'allais poser une question justement. Bon, je reviens un peu aux joueurs, mais est-ce que vous trouvez pas ça bizarre d'ailleurs qu'on est obligé de nationaliser ou d'aller chercher dans les Fidji ou dans Tonga pour aller avoir de nouveaux joueurs, alors que quand même on est l'équipe de France. Sachant qu'au Pays de Galles, en Écosse, quoi que ce soit, c'est quand même des pays qui ont pas beaucoup de population et qui arrivent à fournir un vivier quand même assez important. Je ferai quand même du cas par cas. J'ai une anecdote, moi c'était quand j'étais en stage à Montpellier, quand Jack White est arrivé, il y a beaucoup de jeunes sud-africains qui sont venus intégrer le centre de formation, dont un neuf qui s'appelait Cameron, ouais c'est ça, voilà, Immelman, William C, Duplessis, et dont aussi le numéro 9, Cameron White. Et moi je discutais avec lui et il me disait mais moi je veux jouer pour les Bleus comme Rory. Le mec vient d'Afrique du Sud, pour jouer en équipe de France. Enfin, attends, il a pas une équipe de peintres à la base. L'Afrique du Sud, c'est quand même. C'est un peu biaisé, quoi. Ouais. Mais c'est, oui, enfin. Ou la cohérence. Ou la logique, quoi. Mmh. Et c'est grave d'en arriver là. Donc, pour moi. Après, c'est... on se jette la pierre un peu aussi, parce que les autres sélections le font. En Angleterre, on le fait aussi. Mais c'est des pays du Commonwealth, tout le monde parle anglais. Ouais, c'est vrai que ça fait. Ouais, c'est vrai que ça n'a rien à voir. C'est un peu moins flagrant tout de même qu'en équipe de France, non ? Moi, je trouve que c'est pas pareil. On dit aussi que les Blacks piochent aussi beaucoup dans les pays du Pacifique. Mais c'est plus légitime aussi, ouais, c'est pas loin. C'est pas pareil quand on. En France, pour moi, que Vakatawa. On pourrait mettre Vakatawa, Nakaitasi et un autre 15, un Fidjien que tu peux nationaliser. À ce moment-là, on a une équipe de Fidjiens derrière. Et ce serait grave d'en arriver là. Et c'est là que la formation française il y a un problème, c'est qu'on lance pas des jeunes, on préfère aller chercher des Fidjiens, clairement un partenariat avec un club fidjien, et c'est triste. Et comment on en est arrivé là, moi c'est ce que je comprends pas, alors que c'est une équipe qui marchait bien, avait une bonne formation, comment il y a une période aussi longue et creuse, quoi. Effectivement, ce qui peut être surprenant, c'est qu'on a une équipe de France qui à une époque était pas loin de pouvoir gagner la Coupe du Monde, et que là on a l'impression qu'on met plus par terre. Après, effectivement, comment on en est arrivé là, c'était déjà une dynamique qui était assez entamée dans les clubs, avec la volonté d'essayer à chaque poste d'avoir tout simplement les meilleurs joueurs. Donc effectivement, il faut le dire, hein, à ces postes des lignes arrière, notamment au Rosel, il y a des joueurs des îles Pacifique qui sont extrêmement doués, ballon en main et avec beaucoup de vitesse et d'explosivité. Donc on s'est servi, on peut pas trop s'en plaindre de ce côté-là, parce que ça nous a permis de voir éclore des excellents joueurs, mais pour l'équipe de France ça devient dommageable. Après, quand je disais juste pour mon petit mot sur le cas par cas, qu'un joueur par contre comme Scott Spetting soit arrière en équipe de France, personnellement en tout cas, ça ne me choque pas, parce que c'est un joueur qui c'est le maillot à toutes ses sorties, et qui est quelqu'un qui a fait toute sa carrière en France, donc voilà, c'est pas comme s'il y a un mec qui arrive et en deux ans il arrive au 15 de France juste pour pouvoir jouer des compétitions internationales. Tu as quand même nationalisé des joueurs comme Klaassen, je sais pas si tu te souviens, en troisième ligne, alors qu'en troisième ligne t'as quand même, t'es quand même fourni en 2014. Ça s'est fait aussi à la grande époque, hein. Je me rappelle qu'on avait une nationalité Philippe de Villiers. Peter de Villiers. Philippe de Villiers, c'est Peter de Villiers. Ouais. Donc, pas Bernard Lavilliers. Hein. Là-dessus, serait bête. À ne pas confondre. Mais après, pour revenir un peu sur. Pour terminer, Théo. D'où ça vient. Mais il faut se rappeler que sous Lièvremont, déjà, il y avait un grave problème. Quoi. Déjà, au niveau des Six Nations, notre dernier grand chelem, je ne sais pas à quoi il remonte, il remonte à un paquet de temps. 2010. L'air Lièvremont, avant la Coupe du Monde, on y va la queue entre les jambes. On s'attend pas du tout à faire une finale contre les Blacks. Et c'est un peu, on a eu cette impression à la Coupe du Monde 2011, que c'est les joueurs qui se sont pris en main. Et on avait une génération qui était quand même assez exceptionnelle à ce moment-là. Ils se sont pris en main et qui ont dit, on y va. Et En autogestion, quoi. On va au mental, quoi. Il n'y a pas une transmission. Et déjà, à ce moment-là, la fédération aurait dû quitter en voyant les résultats qui commençaient un peu à fluctuer. On va anticiper. On va terminer juste un message d'une phrase que je glisse aux entraîneurs aux entraîneurs du top 14, s'il vous plaît, formez-nous des numéros 10 qui savent gérer le jeu au pied. Dernière pour conclure, tu parles de génération, mais en France, on est le seul peut-être pays à vouloir à pas prendre le risque de malheureusement galvauder les tours à destination pour préparer la Coupe du Monde suivante en ayant justement une des jeunes. On l'a vu avec l'Angleterre qui aujourd'hui a une équipe plus que compétitive, et en équipe de France on refuse de galvauder tours à destination pour justement préparer la prochaine Coupe du Monde et former des jeunes, alors qu'au sein de vouloir on va peut-être le galvauder aussi. Voilà. Voilà, exactement. Ouais. Tu vas faire 4-5 quoi, peut-être. Non, ok, mais ça c'est un autre débat. Très bien, bon, j'ai poussé au maximum le débat, hein, pour vous parler le plus bien possible, ce qui fait qu'on est grave en retard, mais bon, intéressant en tout cas pour un rugby. Je te remercie, Théo, d'être passé à la radio et également d'avoir parlé avec nous. Et ce qui est bien. À vous, à la semaine prochaine, les gars. À la semaine pro. Hein. À la semaine prochaine. À bientôt. Je te remercie. Pas de chute à la chambre. Hein. Quant à nous, on va passer à notre deuxième pause musicale. C'est Malin Génie, ouais, c'est mal imprimé. Et c'est sur le titre Living. De la Rousse. We'll be right back. De retour sur Sport and Chill, c'était Malin Génie, c'est ça ? C'est ça. Avec le titre Live In, on va passer tout de suite à la parole aux Chillers. La parole est aux Chillers. On va commencer avec Romain avec l'affaire du CIO contre le Vicise versus TAS. Voilà, bah on parlait des conflits Ligue-Fédé, mais on va parler de... Je ne sais pas si on peut parler d'un conflit, mais de quelque chose de très étonnant. Puis surtout à la veille de Jeux Olympiques, moi je suis quand même surpris de voir ce type de décision arriver. Vous savez qu'il y a une histoire de dopage d'État concernant les athlètes russes qui font que de nombreux athlètes russes ne pourront pas participer aux Jeux Olympiques de Pyeongchang. En candidat libre, quoi, du coup. En tout cas, en candidat libre, effectivement, ils pourront le faire sous bannière neutre. Et donc, notamment, certains athlètes russes étaient pour le coup totalement blacklistés dans le cadre de ces JO et ne pouvaient pas y participer jusqu'à il y a très peu de temps. Alors, on attend. Il y aura peut-être encore des rebondissements à peine combien tu m'as dit de jours 4 on en est on a 4 jours des JO là 4 jours des JO mais tout est encore possible. C'est quand même une situation assez hallucinante, c'est-à-dire que le CIO effectivement avait finalement interdit à ses athlètes de concourir lors des JO de Pyeongchang, et le TAS, donc qui est le tribunal arbitral du sport, a finalement pris une décision toute récente qui est celle tout simplement de lever la suspension de 28 athlètes russes sanctionnés par la commission Oswald pour cette histoire de dopage, et qui est finalement un moment, alors je sais pas ce que vous en pensez sur une telle situation assez inédite, et où forcément ça déchaîne un peu les passions entre les différents acteurs du sport et notamment des instances. Je pense notamment à Thomas Bach, le président du CIO, qui a appelé à une réforme du tribunal arbitral du sport pour éviter ce type de situation et qu'elle puisse se reproduire à l'avenir. Très bien. Donc, on va pas faire de réaction parce que sinon on n'aura plus le temps, je suis désolé. Mais c'est vrai que c'est intéressant et c'est assez rare qu'il y ait des conflits entre grosses entités comme ça du sport. Ouais, surtout sur ce type de problématique, effectivement, entre le Comité international olympique et un tribunal arbitral du sport, normalement, qui sont censés être un petit peu complémentaires dans leurs décisions. Exactement. Après, on sait que des fois ils peuvent avoir des décisions différentes, mais j'ai pas encore beaucoup fouillé ce dossier, mais j'ai été surpris en tout cas de cette situation à peine quelques jours des Jeux Olympiques. Ça donne un peu la température avant de rejoindre Pyeongchang. Surtout qu'il fait froid là-bas. Exactement. On va passer justement aux Jeux Olympiques d'hiver avec Lynn Sevon, c'est notre coup de cœur de team. Ouais, j'ai choisi Lynn Sevon parce qu'elle a remporté sa 80e victoire en Coupe du Monde, ce qui est un record chez les femmes, où elle s'est imposée à Garmisch Partenkirchen. Désolé pour la prononciation. Pas mal, c'est ça. Et ça fait plaisir parce qu'elle a eu une grosse période d'absence où elle avait fait une rupture des ligaments croisés pendant un an. Et voilà, c'est une super manière de revenir au haut niveau. Et de très bon augure pour la Coupe du Monde. Moi, c'est un athlète vraiment que j'aime beaucoup, qui porte haut les couleurs du ski féminin. Et j'ai de bons espoirs, je ne sais pas ce qu'en pense Romain, mais j'ai de bons espoirs sur elle pour la médaille des JO. Tu le sais parce qu'elle est mignonne. Comment ? Tu le sais parce qu'elle est mignonne. Ça peut jouer, non, mais au-delà de ça, j'aime beaucoup cette skieuse qui en plus est très technique. Et j'attends de voir ce qu'elle va faire aux JO, où elle a pu remporter l'or depuis 2004 à Vancouver. Donc voilà. T'aimerais qu'elle obtienne. Hein. Ouais, non, juste vraiment en 10 secondes, parce que je sais que Flo, là, il s'inquiète. Vas-y. Lynn Sevon, franchement, respect, parce que après une aussi grande blessure, arriver à revenir au plus haut niveau, puis voilà, elle a beaucoup de mental. Là, elle arrive gonflée à bloc avant les JO, et je pense que pour des JO, on a besoin des meilleurs athlètes à leur meilleur niveau. Ce sera le cas, et puis elle peut finalement, alors qu'elle n'était pas très très bien partie au début de la saison, aller chercher le petit bloc de la spécialité en descente. Je pense qu'elle a fait une bonne préparation. Donc c'est vraiment ces athlètes qui ont bien préparé les Jeux Olympiques, je pense. Très bien, on va finir sur notre coup de cœur. C'est notre dernier d'ailleurs d'aujourd'hui. C'est de la boxe et notamment un peu plus les combats, on va dire, qui sont de plus en plus appréciables. Oui, c'est en fait tout simplement la semaine dernière, ma semaine a été un petit peu égayée par l'annonce d'une très bonne nouvelle pour les amateurs de boxe. C'est le match retour entre Golovkin et Canelo Alvarez, donc les deux meilleurs promoniens des dernières années. Ça avait donné un très très beau combat l'an dernier, peut-être le combat de l'année. Sûrement le retour sera peut-être aussi le combat de l'année aussi, parce que c'est en termes de qualité ce qui peut mieux se faire quasiment. Il y aura aussi normalement fin d'année ou peut-être l'année prochaine le combat au sommet entre Wilder et Joshua. Donc c'est quand même des bonnes nouvelles pour les amateurs de boxe qui sont à juste titre, souvent plein de ne pas voir toujours les meilleurs boxeurs s'opposer, d'avoir des craintes, des jeux de promotion où c'était difficile de réaliser ces combats-là au sommet. Et là, c'est quand même très agréable parce qu'on peut voir les deux meilleurs combats possibles cette année. Donc voilà, ça donne beaucoup de plaisir et d'engouement pour la boxe qui en retrouve grâce et à travers le spectacle. Donc là, ça devrait être un événement assez exceptionnel puisqu'il se fera en plus le 5 mai, donc le Cinco de Mayo, qui est une fête nationale au Mexique. On sait que la culture mexicaine est très imprégnée aux États-Unis. Donc voilà, la star mexicaine Canelo qui devrait combattre lors de cette très belle soirée face à Golovkin, qui est lui aussi un très grand poids moyen. Donc voilà, ça promet une très très belle soirée de boxe, et comme il y en aura de plus en plus, je pense, dans les mois, les années à venir. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour tous les amateurs de boxe. Ok, très bien. On a été rapide et... Ouais, je rentrerai plus en détail sur le combat le moment venu, mais en tout cas, l'annonce, ça fait plaisir. Valait mieux faire le coup de cœur comme tu l'as fait que parler des problèmes qui touchent au prochain JO pour la fédération. Ça, c'est un autre débat, ça sera plus compliqué. D'ailleurs, j'en reparlerai quand j'aurai un peu plus de... Mais c'est une hypothèse pour l'instant. Donc voilà, quand ça sera plus avéré, mais c'est vrai que ça peut être un gros problème. Ok, très bien, on passe tout de suite à notre quiz. Sport and Chill, le quiz. Et on réaccueille Vincent. On met à dure épreuve Arnaud ce soir avec beaucoup d'appels, mais on le remercie. Et Vincent est-il de retour parmi nous? Je suis de retour, les gars. J'ai entendu Guillaume faire son petit coup de cœur là. Voilà. C'est rare, donc faut l'écouter. T'es à la buvette là? Non, je suis sorti. Je suis pas très loin. Petite clope, petit rouge là. On va pas mettre de son qui fait peur parce que sinon on va plus entendre Vincent. Donc ça me met la pression. C'est pour ça que je perds moi. Voilà. Il faut m'entendre parce que les réponses elles vont fuser, les gars. Ah, il a remplacé Yacine celui-là. On dirait Benoît Paire dans l'intérieur sport. Il fait fais gaffe, ça va très vite en revers. Ah, je sais pas si tu l'as, c'est là Vincent. Arrêtez de me comparer à Yacine s'il vous plaît. Non, c'est flatteur. Benoît Paire. C'est flatteur. À Benoît Paire, non mais c'est encore pire. Bah, d'ailleurs, Benoît Paire a gagné pour ceux que ça intéresse. Ah, tu vois, c'est lié. Fais gaffe, t'es combien en 2-7? En 2-7, ouais, 6-4. Et là, il y a Rublev et Garcia Lopez qui viennent d'entrer. D'accord, ok. Intéressant. Okay. Sur le cours, hein, voilà, bon enchaînement. On va essayer de faire ça vite pour. Voilà. Bon, très bien, du coup c'est un quiz assez rapide et assez je trouve assez facile aujourd'hui, donc c'est le moment pour moi alors. On va commencer tranquille par un tour de table, et donc là, une question foot: combien les Niçois ont-ils de victoires sans la titularisation de Balotelli? Ça doit pas être beaucoup, tu vas commencer d'ailleurs Guillaume. Ça doit pas être beaucoup, je dirais 3 victoires. 2. Vous pouvez dire pareil, je vous le rappelle, 4. 4 victoires. J'ai dit 4 aussi. 4 victoires, et Vincent? Bah moi je vais dire 0, tiens. Il a raison, puisque c'est 0 victoire. C'est failli dire 0 en plus. J'en voyais pas beaucoup, effectivement. 0 victoire pour Nice. Les gars, si vous voulez abandonner, c'est tout de suite. Ah, sans Balotelli. Attention, si on est hautain, on enlève des points. Monsieur. Ouais, monsieur Père. La Père en direct, en fait. Je vais rester humble, alors. Il faut comme Roger. Rapidité, qui a dit Jonathan Sexton est un petit coquin? Parce que sur l'action, il était au sol. Oui, je sais aussi. Putain, je crois qu'il y avait des crampes et on se dit cool. Puis je relève. Ah, j'ai le visage, mais j'ai pas le nom. Et tape le drop. C'est dur. Son nom, c'est le cas, d'ailleurs, on sent rien. Non, on était tous surpris, mais bon, c'est un champion. Je ne pense pas que ça soit un tricheur. Je pense qu'il y avait vraiment des crampes, c'est, mais. C'est pas Brunel? Il n'allait pas laisser tomber son équipe comme ça à la 80ème. Enfin, j'ai pas le nom, mais. Gardo, non. D'un coup, ça allait mieux pour lui. Il a mis son drop. Brun, mat de peau. Maïna? Non, vous devrez le trouver parce que. Moi j'ai le visage, mais j'ai pas le nom. Maintenant Bramat de peau, tu dis? Pour une fois, c'est dur. C'est un trocard ou c'est un Thomas? Il est un peu d'ici, quoi. Enfin, il est un peu d'ici. Il joue à Montpellier. Benjamin Camara. Camara. Qui c'est qui avait dit en premier? Je crois que c'est Paul, non? C'est Paul. C'est Paul. Paul qui marque le point pour Yacouba Camara, rugbyman du CAS de France. C'est une passe D sur la description. C'est vrai, merci. Le portrait robot du poulet, quoi. Il doit être à la gendarmerie, quoi. Rapidité. Pourquoi Benjamin Fall aurait parlé dans ce match? Les gars, parlez pas tous en même temps parce que ouais, sinon là. Parce que moi j'entends pas grand chose au téléphone. Là vous parlez trop ensemble. On va faire la question foot et en plus ça va être rapidité aussi celui-là. Harry Kane a marqué ce week-end donc son 100ème but en première ligue. Déjà. En 144 matchs, donc c'est plutôt un beau ratio. Ah oui. Quel est le seul joueur en première ligue avoir été plus rapide que Kane pour mettre 100 buts? Shearer. Alan Shearer avec Blackburn. C'est ça ? Alan Shearer avec Blackburn. Bravo, Vincent. Ouais. Ok, bien joué. Là, Vincent, il m'étonne si ce n'est un peu trop. Mais pas un peu trop sur ça. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de vérifier là. Ça va le copinage ? Si vous voulez, il y a des témoins. Je suis dans les coursives en haut, juste à côté de la salle de presse. Tu peux appeler quelqu'un qui prenne ton portable, qu'on l'a en direct. Demande à Odélia, s'il te plaît, et puis on verra. Demande-lui tout d'ailleurs. Allez. Tu peux témoigner quand même que je ne sais pas me servir d'internet sur mon téléphone. Ah non, mais là c'est clair. De toute façon, t'es avec ton téléphone actuellement, donc ça serait dur à parler. Concentrons-nous, les gars. Tennis, la question sur Gênes, malheureusement, elle a été dite pendant l'émission. Désolé d'avoir spoilé. Donc on ne dira pas. Par contre, deuxième question tennis. Rapidité, là c'est très très rapide. Qui, malgré une belle semaine, est sorti du top 10 ? Mladenovic. Mladenovic, en effet. Ouais. Bon, Kristina Mladenovic, malgré sa finale à Saint-Pétersbourg, perdue contre Kvitova, Mladenovic sort du top 10 et se place 13e au classement WTA. Cette fameuse série qui commence à payer, quoi. Football. Elle va avoir une très grosse série de poids à défendre. Là. Un demi à Indian Wells, finale à Madrid. Ouais, ça va être dur pour la poulette. Elle va dégringoler au classement, c'est sûr. Elle va pas remonter de si tôt. Comme une skieuse en descente, quoi. Voilà. Belle. Football. Comme mon team après une soirée. Rapidité, on va dire. Bernard. Les gars, s'il vous plaît. Rapidité. Quel footballeur vient le premier en Europe d'atteindre 25 buts cette année ? Immobilier. Non. Kane. Non plus. Neymar. Non plus. Dans le premier avec Cavani. Bas Dost. Non. Toutes compétitions confondues. En Europe, j'ai dit. Messi. J'ai pas dit de championnat. Non. Pas Messi. Non. Kane. Umut Bozok. Non, il est joué à Nîmes. Dommage. Mais c'est Cavani, non. C'est vrai, non, mais je compte les ligues premières. Ah d'accord. Mais j'ai pas dit que c'était dans les 4, dans les 5 grands championnats. Je l'ai, c'est Jonas. Jonas, en effet. Joueur de Benfica qui ont gagné donc 5-1 contre Rio Ave ce week-end. Jonas, le premier à atteindre 25 buts. Très beau joueur d'ailleurs. Point pour Tim. Belle référence. Question. Joueur à Valence, je crois. Non. Rapidité aussi. Benfica, Super Bowl. Question avant, calme-toi. Question Super Bowl. Putain, les gars, vous étiez corrects toute l'émission. Et là, Non, mais c'est Timothée, il me provoque aussi. Fini. Tom Brady a battu un record après la finale, lequel ? C'est qu'il est le plus vieux à avoir reçu l'MVP. Le plus de points. 40 ans. Il est le plus vieux à recevoir l'MVP. Il a pas le plus de points aussi ? Non, c'est Paul qui a raison, c'est le plus vieux. Ah, excuse-moi. Il devient le MVP le plus âgé. Enfin, l'athlète le plus âgé. Mmh. Bon, quand j'ai vu l'athlète, je pense que c'est NBA plus Super Bowl seulement, à recevoir la distinction de MVP. 40 ans. Tu es sûr, mon poulet ? Parce qu'il y a des MVP un peu partout et. Ouais. Je crois handball et techniquement le ballon d'or c'est un MVP aussi. Donc il y a eu des ballons d'or plus vieux je crois. Ouais. Donc c'est la troisième fois qu'il reçoit cette distinction et c'est le plus âgé avec 40 ans. Après 2007 et 2010. J'ai vu l'article sur l'équipe ce matin. Bien joué. Voilà. Bon timing. Voilà. C'est bon. D'ailleurs on parlait d'NBA, rapidité. Quel est le plus vieux MVP en NBA C'est-à-dire le joueur le plus âgé ayant reçu le prix Kobe. Non. Qui ça? Ginobili. Kobe Bryant. Ouais, j'aurais dit Nash, non ? Non. On en avait parlé la semaine dernière un petit peu. Non, c'était le deuxième justement. Olajuwon ? Non. Ouais. C'était le deuxième de ce classement-là qui avait marqué le plus de points en NBA. C'est pas les Browns quand même. Stockton, un truc comme ça, non ? Il y en a plein qui se mettent comme ça ? Non, il l'a eu à. Carmelo Anthony ? C'est pas Al Jazeera. Non. Il l'a eu à 35 ans et c'est en 99. 99 ? Je sais qu'il est au-dessus. Non. Moi je le connais pas, en même temps je suis pas très bon en NBA donc bon, c'est pas. C'est quand même le deuxième qui a marqué le plus de points en NBA et puis le premier étant Abdul Jabbar. Ouais. Putain, je l'ai pas. Vous l'avez pas là, j'ai sa gueule, mais. Non, il est pas là, Thibaut. Ah. Personne là ? Non. C'est Karl Malone. Ok, je crois que ça me serait pas revenu. Voilà. J'avoue. Impeccable. Rapidité, qui a dit. En dépit de la situation politique parfois inquiétante, nous nous sommes tenus toujours aux côtés de nos hôtes coréens. Nous avons jamais envisagé deux plans B. Les tensions politiques ne vont pas disparaître. Président de la Corée du Sud. Ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Thomas Bach, le président du CIO. Le sport ne peut créer la paix, mais les Jeux Olympiques peuvent ouvrir la voie avec des symboles forts. C'est magnifique ce qu'il dit, putain, j'en ai l'alarme. Non, moi ça m'embête un peu parce que j'ai un mémoire sur le sport qui crée la paix et là il vient de tout me rayer. Tout tué, quoi. Au contraire, c'est une grosse inspiration. Il dit carrément des bêtises, hein, parce que c'est les Jeux Olympiques antiques, techniquement, guerres s'arrêtaient entre les cités grecques. La trêve olympique. Et il était là avec Pierrot, lui, celui-là. Dans sa citation, Thomas Barr, il dit que les Coréens sont ses amis. Mes amis coréens. En gros, ils pactisent en temps de crise. Il va là, celui-là. Bon, rapidité, pourquoi pas. Qui a dit c'est beaucoup de joie, j'ai eu beaucoup de messages de félicitations sur mon portable, ça fait un moment. Tim, sur son anniversaire 6 ans. Lionel Boxis. Lionel Boxis. Ah ouais, bien joué. Mais tu m'étonnes, ça fait un moment. 6 ans que je n'ai pas été appelé en équipe de France. J'étais à Dubaï. Je n'avais jamais fait de croix sur l'équipe de France, mais je ne m'y attendais pas. Je ne savais même pas que Jacques Brunel, avait évoqué mon nom lors de l'annonce du groupe pour le tournoi. Ça se passe bien pour moi à Lyon depuis que je suis arrivé comme joker en février 2017. C'est pas toujours lui qui est le français qui a le record de la pénalité la plus distante en équipe de France. C'est bien possible vu la patate qu'il a. Donc, il me semble. C'est possible. Il a Boxis. Il est de 86 comme train du coup. Bon, bah, tu feras gaffe, il a un peu mal au Boxis en ce moment. 31. On devrait aller sur ses 32. C'est quoi. Le nom. Ouais, t'es dur, hein, mon team, pas en forme ce soir. Allez, deuxième question tennis que j'ai fait pendant l'émission. Pas inspiré pour moi, Joe. Deuxième question tennis que j'ai fait pendant l'émission. À cause de team, on va dire. Mais bon. C'est toujours à cause de team. La France va affronter. Rapidité. Venant tour de table. Allez, la France va affronter l'Italie en quart de finale. La France a 10 Coupes Davis, mais l'Italie en a combien? En Coupe Davis, l'Italie? Ouais. Vincent, tu commences, tandis que t'as fini tout à l'heure. Ah, c'est la vacherie, ça. Je sais pas. Moi, j'ai la réponse exacte. Hein. Ça va, toi? Qui c'est qui a la réponse exacte, là? Moi. On va voir. Merci de l'avoir dit. C'est vrai que merci de l'avoir dit. Pour Guillaume, ça va être bien. Ouais. Vas-y, Vincent, c'est obligé que ce soit à toi qui commence. Ouais, bah écoute, je vais dire, ils ont dû la gagner deux fois. Une fois. Allez, dépêche. Une fois. Après, je t'en prie. Je dirais zéro, moi je dirais. Zéro. Je dis rien. Bon, après, je connais pas. Ils ont dû la gagner avec Pietrangeli et. Romain qui teste le team du regard, c'est du miel. Allez, Romain. Bah, attends, tu me fais douter maintenant. Est-ce que c'était vrai ou pas? Deux fois. T'as intérêt à avoir la bonne réponse, hein, sinon je t'enlève un point. Ouais, c'est 5. 5 fois. Ah, mais finalement, il nous trompe. 5 fois. Il n'a pas dit 2, ça, le Krebs? Bah, je suis en train de faire les pédales, là. Ouais, tout, celui-là, hein, j'ai plus confiance en lui. Allez, 3. Bah non, puisque la bonne réponse, c'était une fois aussi. Ouais, yes. Cool, oh, trop bon. Une pas fois en Italie. Bon, j'ai pas la date, j'ai oublié de la noter, je suis désolé. Et l'autre là-bas, à l'Open Sud de France, il s'aime, je suis trop bon. Régale, ouais. Sauf la jette, mais il peut le dire. Il regarde sur Google, il a triché. Il a quand même 5 points. C'est bizarre. S'il vous plaît, si je peux me permettre, donc ça sera à vérifier, Flo, mais à mon avis, ça doit être dans les années 70, quand il y avait Panaka notamment. Il veut gagner des points. Comment? Il veut gagner des points. Non, il va voir le prof à la fin du cours. Hein. Vite, ça. Vu qu'il n'y a pas l'information, mais je pense que ça doit être dans les années 70 avec Panate et Pietrangeli, qui étaient deux bons joueurs. Tu n'auras pas de points bonus, pas besoin d'aller voir le prof à la fin du cours. À vérifier, en effet. À vérifier, mais. Il était super intéressant votre cours aujourd'hui. Malin celui-là. Deux points pour la dernière question, c'est un que suis-je? Que suis-je? Que suis-je? C'est une bonne question. Qui suis-je, pardon? C'est pas aussi, c'est intéressant. Flo. Bon, t'as un point, je t'en mets un pour la blague. Ouais, la blague a été merci. Pour une fois, elle était bonne. Tu craques, mon Flo. Né le 28 juillet 1985. Je fais mes débuts en professionnel en 2003 dans le club de ma ville. Un Romain Boyer. Ce club avec lequel je joue plus de 300 matchs. Ribéry. Je ne marque que 18 buts. Ce n'est pas un problème puisque je suis loin d'être un attaquant. Je suis l'un des plus grands artisans du doublé Coupe Championnat de mon équipe. D'ailleurs, fin 2012, je suis élu dans l'équipe type de Ligue 1 de la saison par le journal L'Équipe. C'est l'année d'après que je participe à l'exode de mon club formateur en 2013, en partance pour un autre championnat. Je joue 46 matchs dans un club à la frontière entre l'Angleterre et l'Écosse. En 2014, un gros club de ce championnat me recrute pour 10 millions d'euros. Je reste là 4 ans, là-bas, soit jusqu'en 2018. Il y a des hauts, mais surtout des bas dans ce club où je perds ma place de titulaire. On me prête au championnat de France, à Bordeaux, loin de mon club formateur du Nord. Je rentre dans la capitale anglaise, mais je ne Debuchy joue... Mathieu Debuchy. Il nous a régalé à Chic ce week-end et je le régale. D'ailleurs, je joue moins de matchs à Arsenal, 30, qu'à Newcastle auparavant. Lâché de cette situation et surtout à mes 32 ans, je quitte le club pour partir chez les Verts. Ce week-end, je signe mon retour grâce à en marquant un but important pour Saint-Etienne. Je suis Mathieu Debuchy qui a marqué ce week-end. Pour la Coupe Davis. Et donc, tu nous fais des qui suis-je avec des Lillois, tes sports quand même. C'est beau, ouais. J'en ai fait la fois dernière avec Lens, alors je me suis dit, allez, fair play quand même. Un peu d'équité. Voilà. Très bien. Bon, donc. Pour la Coupe Davis. Oui, la Coupe Davis. C'est en 76. En 76. Il était bien. Un petit peu loin quand même. Grande année pour les Verts aussi d'ailleurs, pour me signaler. Et je suis bon, j'ai dit dans les années 70. Ouais, non, mais je t'ai dit, t'auras pas de points. C'est terminé. Non, mais j'en voulais pas, mais c'était juste voilà, pour donner une information. Complémentaire quoi. T'inquiète pas, pour les puristes. Je suis pas au niveau ce soir, tu as gagné. Ouais, c'est vrai. T'as bien remplacé Yacine. Bon, 5 points pour Vincent et victoire de ce dernier pour m'en ce fous, pour ce j'ai gagné 3-0 MPG Romain, moi je suis content, j'ai mon week-end. Ah, mais voilà, c'est pas ma semaine. M'en fous on va passer à l'agenda et je te laisse Vincent d'ailleurs parler des matchs de demain à l'Open Sud de France. Tim sera là avec moi d'ailleurs qui sera à l'Arena normalement, c'est ça ? C'est ça, ouais. On sera là, ouais, on sera un petit intéressant ça, tiens. Un beau closing. Friendzone quoi. Allez Vincent, je t'en prie. Donc demain on commence les matchs à 12h sur le court Patrice Dominguez, donc avec un match entre deux qualifiés, Carlos Taberner et Norbert Gombos. Suivi ensuite de Jérémy Chardy et Stéphanos Tsitsipas, le jeune grec. Ah, petit prodige, hein, non, ça va, un petit match. Non, il est pas mal ce match. Ouais. Pour les connaisseurs. Vous le verrez, il a gagné un challenger en France en fin d'année, le jeune grec, là, Tsitsipas. Il est très talentueux. Suivi ensuite de Berankis face à Beneteau. Ouais. Voilà, donc peut-être une dernière occasion, une des dernières occasions de voir Julien Beneteau avant qu'il s'en aille. Professionnel. C'est et puis en night session, donc à partir de 7h, Gilles Simon face à Yannick Madden, le qualifié allemand. Bon, bah, je viens donc, pas finalement demain. Ouais, ouais, c'est pas très alléchant là pour l'instant. Ouais, le night session. Ça serait pour affronter donc David Goffin. Et le gros match du soir, donc entre Karen Khachanov et David Ferrer. Ah là, oui. Ça, c'est pas mal ça. C'est mieux ça déjà. Voilà, c'est l'affiche. Ouais. Après voilà. Sur le cours numéro 1 peut-être, on en parlait des doubles. Ouais, sur le cours numéro 1, bah, des doubles. Bah, le double de toi parler, Père. Voilà, il y a le double de Benoît Père et de Dustin Brown. Et aussi, il y aura Hugo Gaston, donc, qui est un jeune joueur français qui a gagné le double à l'Open d'Australie cette année. Ok. Voilà, ok. Bon, après, comme je vous l'ai dit, il y a aussi à 11h30 le tennis ballon entre Goffin, Tsonga et puis des joueuses du MHSC. Ouais. Et puis à 18h, si vous êtes au Polygone de Montpellier, il y a Tsonga qui fera des séances de dédicace. Voilà, ouais, voilà tout, ouais. Je pense, pour demain. Ouais. Enfin, vous en allez s'en faire pour la suite, peut-être Vincent. Il n'y aura pas beaucoup de monde en plus avec ce temps, je pense. S'il vous plaît, les gars, pour la suite, je pense que normalement c'est le vendredi, c'est les quarts de finale, si je ne me trompe pas. Ouais, tu veux que je te dise les quarts de finale théoriques ? Ouais, je veux bien. Voilà, donc alors pour les quarts de finale théoriques, par rapport au classement. Voilà, par rapport au classement, donc on aurait David Goffin face à David Ferrer. Oh. Mmh. Voilà, Damir Dumour face à Richard Gasquet. Ouais. Andrei Rublev face à Joe Tsonga. Mmh. Et le dernier. Sympa aussi. Et le dernier, Sugita face à Pouille. Ok, bon, un peu moins bien. C'est vrai que du bas de tableau, il n'était pas super, on l'avait vu. Incroyable. Ouais, on l'avait vu, mais bon, le troisième quart là, en bas de tableau, Joe Rublev pourrait être sympa. En effet, bon, très bien. Bah, je te remercie Vincent, et puis on va te laisser terminer sur le dernier match de l'Open Sud aujourd'hui. Merci. Puis on se retrouvera demain. Voilà. Il n'y a pas le. Faut pas que je dise mon prono pour le tournoi ? Si tu veux. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. On est... Non, mais il y a l'agenda, là, il est 56, on va. Qui disait Shepard, moi. Ok, bah, moi, tu mets juste Richard Gasquet, si tu veux mettre quelqu'un, voilà. Ouais, ouais. Grosse surprise de risque. Ouais. Et ouais, on prend aucun risque. Richard Gasquet et Montpellier-Lyon. Montpellier-Lyon, ah, en Coupe de France. Coupe de France. Ah, en Coupe de France, bah tiens, allez, Lyon, on va rester okay. Dans le. Ouais. Allez, très bien. Surprise, bon, on te remercie, et puis à la prochaine. Si au saut de mon poulet. Allez, on va passer à l'agenda, et donc en football, mardi, donc il y a la Pokal, la Coupe d'Allemagne. Ah. Les quarts de finale, Paderborn-Bayern, Leverkusen-Brême. En Coupe de France, il y a des huitièmes de finale, notamment donc Sochaux-PSG, ou encore Bourg-en-Bresse. Marseille. Mercredi, la fin de la Coupe d'Allemagne, Francfort-Mainz ou encore Schalke-Wolfsburg. Copa del Rey, c'est les demi. Séville-Leganés. En Coupe de France, aussi des huitièmes de finale, Metz-Caen ou encore Montpellier-Lyon. Mmh. Ça sera l'un de nos pronostics. Jeudi, deuxième demi-finale de la Copa del Rey, Valence contre Barcelone, donc gros match. Et ce week-end, en foot étranger, on a notamment la FIO contre la Juve. Bayern contre Schalke, Tottenham contre Arsenal, hey, ou encore Naples contre la Lazio. Pas si mal, en ça, Ligue 1, par y a, le derby londonien, là. En Ligue 1, il y a Saint-Etienne, Marseille, bon, Toulouse, Paris Saint-Germain, Metz contre Montpellier, ou encore le match du dimanche soir, Lyon contre Rennes. Ouais, plus dur le match du dimanche rugby, soir. En rugby, Romain. En rugby, du coup, tu comptes sur moi en plus. Ah mince, pardon. Mais heureusement, c'est beau. En rugby, je peux te les trouver. Non, mais on peut faire sur autre chose. Le cyclisme, il y a le Tour de Dubaï cette semaine. Première grosse échéance, donc ce sera le 21 février, donc pas tout de suite avec le Tour d'Abu Dhabi. En basket, peut-être également. En basket, j'ai un choc intéressant à l'Est entre les deux premiers, Boston et les Raptors. Ça sera mardi. J'ai un match aussi important pour Cleveland qui jouera contre les Wolves, le gros outsider à l'Ouest. Et aussi un choc au sommet quand même entre les Spurs et les Warriors à l'Ouest aussi, entre le premier et le troisième. Ça okay, sera samedi, le main event du soir. C'est noté. Donc je t'ai bien retrouvé les matchs du Six Nations. Nickel. En rugby, donc samedi, Irlande-Italie en ouverture à 15h15. Angleterre-Pays de Galles, ça ce sera une très très belle affiche avec deux équipes qui ont marqué les esprits. Samedi à aussi, 17h45, ça samedi également. Et donc dimanche, bien pour la France se rendra en Écosse. Juste que je vous donne l'horaire précis, ce sera à 16h. Ouais, ça doit le faire normalement. Ok, très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter si peut-être peut-être non, il n'y a plus de ski, ça va être les JO, donc pas de boxe non plus, hélas. Début des Jeux Olympiques, on en parlera cérémonie d'ouverture le week-end prochain. Exactement. Donc, voilà, on va entrer en piste et d'ailleurs il y aura des épreuves dès la fin du week-end, donc voilà. Ce sera à suivre. À suivre, on en parlera surtout la semaine prochaine, ça va être un gros coup. Point de ce prochain Sport & Chill. Faudra chiller la nuit. Très bien. On compte sur nous. On va faire les pronostics donc Open Sud de France. Je sais pas si on le fait vraiment parce qu'il faudra que vous recherchiez les joueurs, à moins que vous en avez à la tête. Bon, on a les favoris, je pense. Ouais. Donc allez-y, Guillaume. Ou si quelqu'un les a le plus vite possible. Je vais dire Gasquet. Allez. Gasquet. Je veux dire Tsonga, moi. Tsonga. Les autres, allez-y. Tsonga aussi. Tsonga. Je dirais Goffin. Goffin pour Paul. Non, Gasquet. Pour Vincent. Pour Vincent. Et moi, je tente pas Berdych. Si moi je tente autre chose. Kachanov. Même si j'aime pas trop ce joueur et même si c'est pas sa surface de prédilection, je mets Ferrer. Je déteste. Voilà. Ah c'est vrai qu'il y a Ferrer aussi, j'ai oublié. Je tente Ferrer. Ouais. Ce truc. Et alors, et donc Montpellier-Lyon. Oui, c'est pas facile celui-là. Moi je vais mettre, je vais commencer, tiens pour la peine, Montpellier-Lyon, je vais mettre 1-0 pour Montpellier. Est-ce qu'ils vont mettre l'équipe type, ça je sais pas. Vincent, je vais lui mettre aller 2-1 pour Lyon, même s'il n'a pas dit le score. Mais il a dit Lyon. Péno, moi j'annonce, allez, tiens. Péno. Je sais pas pourquoi j'ai l'inspi. Mais pour qui là. Et pour qui aussi Péno, allez, Montpellier ou Péno. T'as les Péno en Coupe de France. Ah non, et t'as pas les prolongations. Non, t'as prolongé avant, mais je sais pas, je vois Péno, je sais pas pourquoi. Moi je veux dire. Sauf en finale, je pense. Lyon en 90 minutes. Lyon et combien aussi je veux dire 2-0. Tu sais s'ils mettent l'équipe type ou pas? Est-ce que oui, ils vont la mettre. Normalement, ouais. Normalement, oui. Après, s'ils mettent l'équipe type, je mets Lyon quand même. Il faut savoir. Condition. Faut savoir. Si tu mets entre parenthèses 6 bon, équipes type, 2 en Lyon. Non, non, il n'y a pas de 6 ou quoi que ce soit. Romain. Quitte à se planter, je vais croire en mon équipe Montpellier 2-1. 2-1. T'as raison, mon poulet. Et j'irai au stade, Paul, je l'annonce. Également, donc bon. On pourra se voir là-bas si tu veux. Une fois, il y aura peut-être un peu de petite bière là-bas. Allez. Moi, je dirais Lyon. Montpellier ouvre le score, mais Lyon revient dans la partie. Et c'est-à-dire que c'est du coup Lyon gagne. C'est le mec qui fait le scénar, ouais, en fait, il passe pas. Lyon gagne, Lyon gagne 2-1. Bon, 66e changement, après... Ouais. Entrée de Cornet qui me claque la dernière minute. Au niveau du classement, il y a Thibaut et moi qui avons pris des points, puisqu'on a mis l'Irlande pour ce week-end, qui gagnait. Au classement, Théo 8 points, Yacine et moi 7 points, Dimitri 6, Guillaume, Romain, Vincent 4, et les autres, Sylvain, Anto, Thibaut, Tim, à 3 points. Et à noter que c'était quand même pas mon week-end parce que sans le drop, j'avais dit plus 3 francs. Ouais, les détails, c'est un plus MPG, c'est important, plus un quiz de l'échec, ça fait beaucoup, ça part mal. Fois, tu passes à ça de concrétiser, puis des fois. Je fais mes remerciements ce soir, donc merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés. Jubilé. À Vincent et à Théo d'être venu nous parler un petit peu donc Open Sud de France et Rudy. Et à mes chroniqueurs ce soir d'être venus. Et la première de Paul qui a été plutôt réussi, très bien réussi. Merci les mecs. Enfin une bonne première. Je t'ai trouvé convaincant. Et à la technique, merci, évidemment, qu'on a mis à Rudy Preuve ce soir. Merci Arnaud. Merci Nono. Et on va terminer sur le son de la semaine qui va faire très mal, puisque c'est Jonathan Sexton qui marque le son. J'ai voulu le mettre parce que je me suis dit les sons de la semaine, c'est pas forcément uniquement. Ouais, pas être cocorico, t'as raison. On peut souffrir aussi. Il a un pull irlandais. On se retrouve. Écoutez bien les auditeurs. Il a un pull irlandais. Et après on traite d'anti-français. On se retrouve donc la semaine prochaine. Ça va être une grosse émission spéciale Open Sud de France. Donc si vous aimez le tennis, écoutez-nous. Donc on se retrouve lundi prochain 19h21h sur Radio Campus Montpellier. Salut à tous. Allez. Ciao. Égal à la 100e minute, on est à la 83e face à l'Irlande. Henderson dans les 40 mètres de l'équipe de France face à la Mora. On va se mettre à la faute. 40e phase de jeu de l'Irlande. Surtout pas d'être pris hors jeu, pas hors jeu, pas hors jeu. Tant pis, on sait du terrain, mais pas hors jeu. Attention, le drop, il arrive. Le drop de Jonathan Sexton. Oh, ils sont foutus, il passe, c'est terrible. Il est là, Jonathan Sexton à la dernière seconde, crucifie l'équipe de France. Que c'est dur, c'est terrible, terrible, cette image du capitaine Guillaume Guerrado. Il la tenait, ils étaient là saignants, les Bleus en défense qui n'ont rien lâché aujourd'hui. Que c'est dur, on est triste, on est abattu. C'est la guigne. Mais on revoit la pénalité manquée d'il y a quelques instants. Je repasse à ça. Mais le geste Sexton, c'est un truc de fou. Il avait des crampes dans l'action, il ne pouvait pas se lever dans l'action, Mathieu. Je le surveillais, il ne pouvait plus bouger, il ne pouvait plus courir, il avait des crampes. Et il va décocher un drop de 50 mètres sous la pluie. Après une action de 6 minutes dans les arrêts de jeu, c'est un truc de fou ce qu'a fait Sexton. Mathieu, c'est un truc de fou. Incroyable. Ben oui, mais quel match winner. C'est tellement dur pour cette équipe de France qui... Sport and Chill, tous les lundis de 19 à 21h sur Radio Campus Montpellier.